Je suis musulman. Je réside à Yaoundé. Bonsoir, mon frère Junior. Je me nomme Ismaël. Je suis musulman. Je réside à Yaoundé. J'ai eu le privilège de tomber sur vos vidéos sur YouTube. Vous vous avez mentionné Ahmed Tidat, Zaki Naï, Abdulmadjid. Des menteurs, ne sont des menteurs. Des menteurs, quoi. Oui. Bon, je voudrais d'abord cadrer, monsieur le pasteur. Mon frère, je ne sais pas si vous êtes pasteur, mais je dis mon frère parce que j'ai vu, j'ignore, oui. Moi, en tant que musulman d'abord, j'ai un principe. J'aime un principe personnellement. Je voudrais vraiment éclaircir certaines petites choses que vous avez mal traduites dans votre vidéo, quoi. Oui. Parce que je me dis que vous avez vu l'islam de surface, vous n'avez pas vu l'islam de l'intérieur. Vous avez voulu parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je dis vous ne connaissez pas parce que vous n'avez même pas, vous ne parvenez pas non seulement à expliquer ce que vous lisez en français courant, et vous ne parvenez non plus à nous expliquer même ce que vous lisez dans le Coran et dans la Bible. Pourtant, vous nous précisez qu'il faut la révélation. Mais malheureusement, moi je vois dans votre Bible, Jésus demande à ses disciples, êtes-vous encore sans intelligence? David demande, Daniel demande à Dieu de lui donner de l'intelligence pour pouvoir comprendre les principes de Dieu. Dans les Psaumes, David demande l'intelligence et la sagesse pour connaître les principes de Dieu. Mais malheureusement, vous nous faites comprendre qu'il faut la révélation. Jésus lui-même, pour connaître la parole de Dieu, n'a pas eu besoin d'une révélation. Il a eu besoin de l'enseignement. Mais, comme nous sommes au 21e siècle, peut-être à ce jour-ci, il faut la révélation. Moi, en tant que musulman, parce que mon frère Junior, j'ai ma confession de foi. J'aime sur quoi je fonde ma foi. Je la fonde sur six piliers. Attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Croire en tous les messagers et prophètes. Croire à tous les livres révélés. Croire aux anges. Croire à la résurrection. Et croire au destin, qu'il soit bien ou mauvais. Donc, ayant visionné toutes vos vidéos, parce que j'ai pris du temps. Si nous avons, si, quand je vous ai dit, ça fait un an que je suis en train de, que j'ai essayé de suivre vos vidéos, les cas des uns qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas causer en ces temps-là, j'ai eu des cas et j'ai eu un peu beaucoup de voyages à faire parce que je me dis que ce que je suis en train de vouloir faire maintenant, j'ai déjà eu tout mon temps, j'ai le temps maintenant. S'il plaît à Dieu, vraiment, on pourra discuter et se comprendre, pas s'engueuler, pas avoir mal à la tête, pas dire des choses comme ce que j'ai vu, vous avez dit concernant Abdulmadi. Vous avez dit qu'il était rapide, qu'il parlait vite pour tromper les gens. Vous avez employé certains mots que j'aimerais un peu le refaire, vous donner la définition de ces mots, parce qu'il y a des mots que vous avez employés. Menteur, ça veut dire affirmer le faux ou nier la vérité. Ignorant, ça veut dire ne pas savoir. Défaut de connaissance, ça, c'est ce que vous avez utilisé. Menteur et ignorant. Mais Moi, je voudrais poser une seule question, pasteur. Les musulmans ne sont pas instruits, c'est ce que vous dites. Ils donnent des injonctions de ne pas suivre les vidéos qu'on fait sur l'islam de peur de connaître la vérité. Malheureusement, c'est pourquoi beaucoup de musulmans sont tenus dans la captivité. Question, pasteur. Est-ce pas vous, chrétien, qui êtes tenu captif? Vous précisez 8 secondes révisées de 1910. Je me demande pourquoi vous ne prenez pas n'importe quelle Bible. Par exemple, la Jérusalem, la Torah, le monde nouveau, etc. Pour discuter, pour parler, vous utilisez le 8 secondes révisé. Que va-t-on faire des autres livres révélés selon vous? Je ne pense pas que vous pouvez me trouver une réponse à cela. Et s'il y a une réponse, franchement, je suis là. Je serais vraiment ravi de comprendre pourquoi je dois parler avec un livre de 66, avec un livre qui a 66 chapitres, pendant que je sais qu'il y a un autre livre, le même livre qui a 78 chapitres. Je sais qu'il y a le même livre qui a 72 chapitres. Je sais qu'il y a le même livre qui a 80 chapitres. Je sais qu'il y a le même livre qui a 5 chapitres. Et sans m'en vanter, pasteur, moi je travaille avec minimum 14 Bibles. 14, j'ai dit 14. Si vous voulez, je vous les filme, je vous les montre. J'ai dit 14 Bibles. Et dans ces 14 Bibles, il y a beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Nous avons beaucoup de différences dans cette Bible-là. C'est pour cette raison que je dirais, c'est peut-être parce que vous êtes ignorant et menteur que vous décidez d'utiliser une seule Bible. À ne moins que vous me dites que les autres ne sont pas des livres révélés, ce n'est que celle de Louis II. Celui de Louis II qui est un livre révélé. Ça, c'est ma première question concernant d'abord le 8 secondes que vous voulez utiliser pour faire ça. Car cela ne tienne, je vais me servir de ce 8 secondes pour briser tout ce que vous avez pris comme exemple, pour vous montrer, s'il plaît à Dieu, que même ce 8 secondes, vous ne parvenez pas à comprendre ce 8 secondes. Pas parce qu'on m'aurait donné des vidéos. Pas parce qu'on m'aurait donné, peut-être, on m'aurait dit de ne pas suivre, de ne pas voir ce que de ne pas visionner ce qu'on dit des musulmans pour rester dans la captivité, mais parce que, comme vous l'avez dit, de reprendre les deux livres et de lire et de comprendre. J'ai pris presque 7 Bibles et je les ai lues et j'ai compris. Et je suis arrivé à une conclusion à laquelle toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, 8 secondes, révisée 1910, tout ce qui est écrit à l'intérieur n'est pas la parole de Dieu. Pour cela, moi je voudrais que vous essayiez de méditer seulement sur le premier, sur Luc 1. Verset 1 à 3. Quand vous allez prendre Luc 1, verset 1 à 3, vous me direz si cela était permis, s'il fallait qu'on mette cela dans la parole de Dieu. Et je continuerai à vous montrer d'autres petits détails. Mais je reviens d'abord sur tout ce que vous avez dit concernant Ahmed Hidat, Zaki Naï et Abdoul Mahdi. Vous avez dit Abdoul Mahdi, lui, il est encore vivant. Ahmed Hidat est déjà mort. Zaki Naï est déjà aussi mort. Et que vous étiez à Douala, au Cameroun. Mais heureusement, il y a beaucoup de gars au Cameroun qui font déjà la religion comparée. Je suis à 2 ans de religion comparée. En études, je suis déjà au niveau 2. Mais je pense que je peux vous tenir. jusqu'à la fin en finissant mes études. Bon, je continue en vous faisant comprendre quelque chose, mon frère Junior. Les musulmans ne sont pas instruits. Bon à savoir, mon frère, je voudrais que tu saches une chose. La connaissance de l'islam est en trois étapes bien définies. Première étape, apprendre l'alphabet arabe. Connaître, coller les lettres en arabe. Lire des phrases et finir de lire le Coran. Exemple simple, de la maternelle au CM2, on obtient un CEP, un CEP. Marabout dans la lecture du Coran ou malam dans la lecture du Coran. Connaître, avoir un grade, un CEP, malam, quelqu'un qui a lu, terminé le Coran. Bon, et maintenant, pendant ce temps, il y a des gens qui peuvent s'arrêter, même dans l'école des Blancs. Il y a des gens qui s'arrêtent dès qu'ils ont eu leur CEP, ils s'arrêtent. Maintenant, il y a la deuxième étape qui est de finir de lire le noble Coran, chercher à comprendre et à pratiquer en sachant ce qu'il fait. Sachant ce qu'il fait. Exemple simple, de sixième en terminale, on obtient le bac. Dans l'islam, ça peut être, comme on dit, un modibo. Quelqu'un qui comprend et qui essaye d'expliquer le Coran. Il y a la troisième étape, lire le noble Coran traduit dans des langues. C'est-à-dire, pendant que vous lisez Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez expliquer. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous comprenez ce que vous expliquez et vous expliquez ça aux gens. Ça c'est quand on est maîtriser les sunnah, maîtriser les hadiths authentiques. C'est ce qu'on appelle l'université dans le jargon français quand on veut parler de l'université. Et on sort de là avec des licences et on peut vous appeler un cheikh, un oustas, quelqu'un qui connaît, qui maîtrise. Ce n'est pas venir prendre un livre et le lire et venir dire, il y a ceci, il n'y a pas cela, la Bible code. La Bible trompe sur le Coran, le Coran contredit la Bible. Comme si le Coran ne confirme pas la Bible, mais la contredit et la nie. L'esprit derrière le Coran est malhonnête. La violence dans le Coran, dans la vie de Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les crimes et les viols. Les musulmans désobéissent au Coran consciemment, ou Coran ou des Corans. Pasteur, je vous mets à défi, si vous me montrez un Coran qui a plus de 114 sourates ou un Coran qui a moins de 114 sourates, moi, j'arrête d'être musulman et je deviens chrétien et je combats tous les musulmans avec ce Coran. Parce que moi, en vous parlant, je vous parle en vous montrant une Bible de 78 livres, une Bible de 73 livres, une Bible de 66 livres et des Bibles qui disent le contraire dans l'autre et qui disent le contraire dans l'autre. Et qui sont des Bibles jumelles, faites par la même édition. L'humanité sera-t-il sauvée par Jésus-Christ ou Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur eux? Nous allons d'abord définir un peu l'islam. L'islam, religion de paix. Islam, musulman, soumission à l'islam. Soumission à l'islam. Donc, quand on appelle un musulman un musulman, ça veut dire qu'il est soumis. Soumis à qui? À la religion de la paix. Moi, je voudrais savoir, pasteur, d'où vient le christianisme, qui a donné le nom Bible, à qui, nous savons tous, pasteur, nous savons tous, frère Gignon, que le Zabou a été donné à David, l'Injil à Jésus, la Torah à Moïse, le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Bible, mon frère Junior, la Bible a été donnée à qui? À qui la Bible a été donnée? Moi, je voudrais savoir qu'on me dise que, bon, dans la Bible là, elle a été donnée par à tel. Là, je saurais vraiment que dans cette Bible-là, donnée à tel, nous pouvons franchement nous retrouver. Vous dites que Jésus n'est pas venu sauver. Jésus est venu sauver l'humanité. Mais je vous rappelle que l'humanité, ce n'est que les humains. Ensemble des êtres humains. Mais Dieu lui-même dit à Mohammed, j'étais envoyé comme annonciateur et avertisseur pour tout l'univers. L'univers, ça veut dire que même tout le monde, l'humanité et l'univers. Expliquez, prenez les deux définitions, humanité et prenez aussi univers. Là, nous allons un peu, vous allez voir la différence des deux définitions. Peut-être le prophète, quand Dieu lui faisait descendre le Coran, le prophète a compris que bon, il pouvait changer humanité et mettre univers. Mais je vous rappelle que c'était un illettré. Tout le monde reconnaît qu'il n'a jamais lu, il n'a jamais allé à l'école. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est un illettré qui a pu donner 100 noms, 100 attributs, 100 beaux noms de Dieu, sans mettre père sur ça. Père, P-E-R-E. Mais il a réussi à donner 100 noms avec son intelligence. Il a pu écrire 114 sourates. Mais Paul, qui était instruit, qui a fait l'école, qui a tout fait, n'a pas pu écrire plus de 14 livres, 14 chapitres, sourates, si je vais appeler ça comme ça. Mais un illettré a pu écrire 114 sourates. Je me dis, mon frère, que en toute chose, avant de commencer, il faut connaître l'origine. Ça veut dire que en prenant 8 secondes révisées pour faire des débats, il fallait prendre un peu la Jérusalem et lire l'introduction de la Jérusalem. Peut-être ça allait vous pousser à ne pas avoir trop de sang chaud quand vous voulez parler de votre de 8 secondes. Parce que moi, quand je lis l'introduction de la Jérusalem, je me demande donc alors sur quoi les chrétiens tiennent. Ça veut dire que ce que mon Coran me dit, que vous ne tenez sur rien. Et réellement dit, vous ne tenez sur rien. Parce que s'il n'y avait pas Jésus mort sur la croix, vous ne pouviez rien prêcher à l'être humain sur cette terre. Et Jésus mort même sur la croix, a choisi nos thèmes de débat et que vous m'apportiez des arguments bien solides, mon frère, afin que je puisse laisser l'islam, je puisse laisser cela et que je vienne vraiment au christianisme sans me dire Jésus t'aime, parce que même jusque là je ne dirais toujours que c'est le mensonge. Jésus ne m'a jamais aimé, c'est Dieu qui m'a aimé, qui a aimé le monde et qui a envoyé son fils. Et ce fils est mort sur la croix, selon vous, pour mes péchés. Jésus ne m'a jamais aimé, mais c'est Dieu qui m'a aimé. Mais vous êtes allé jusqu'à, vous faites jusqu'à faire en disant Jésus est Dieu, Jésus est ceci. Mais ça, c'est tout, c'est ce que je veux vraiment entrer dans, en vous, dans les débats. Je veux d'abord essayer d'éclaircir certains petits trucs. Parce que vous vous levez, vous traitez quelqu'un de menteur, vous dites qu'il est, c'est parce qu'il parle rapidement, il trompe les gens. Et si c'est là, vous vous trouvez au Cameroun, vous ne vous trouvez pas en RDC. Ce qu'il a fait aux autres pasteurs, franchement, vous deviez faire votre vidéo sans mettre des noms, sans leur dire que c'est si c'est là. Vous pouviez débattre, vous pouviez nous convaincre sans vouloir passer par ces genres de chemin. J'espère, pasteur, que vous aurez vraiment de quoi me répondre, parce que j'ai vraiment hâte de comprendre beaucoup, beaucoup de vous, à travers vos écritures, à travers tout ce que vous allez me dire, pour me rassurer, afin que je puisse franchement laisser l'islam. Pas que je m'enferme dans ma chambre, et que je prenne la Bible, et que je lise, et que je prenne le Coran, et que je lise, et que je m'agenouille, je dise que Jésus, je veux te connaître. Nous savons tous, pasteur, moi j'ai fait les établissements catholiques, j'ai fait des établissements catholiques, fait de, le secondaire catholique. Nous savons tous que si quelqu'un veut décider à connaître, à voir Jésus, il suffit seulement qu'il aille voir une photo posée au mur, et il va voir un beau garçon avec une flamme sur le cœur, qu'on va nous faire comprendre que c'est l'Esprit Saint, qu'on va nous faire comprendre que le beau garçon là c'est Jésus. Et on va penser, bon, maintenant, que bon, s'il est jeune à 33 ans, son père peut être âgé avec des cheveux blancs et aussi beau comme lui. C'est à ça que nous allons voir, et c'est à ça que nous allons penser. Et nous allons croire que nous avons vu Jésus. Plus grave encore, si je me mets dans ma chambre à vouloir penser, moi je vais voir un acteur de film, un Anglais. Au lieu de voir un autre esprit, je veux un Anglais. Je veux penser que c'est celui-là, Jésus. C'est pour cette raison que je ne peux pas m'enfermer. Je demande juste à Dieu le discernement et l'intelligence pour pouvoir le comprendre. La révélation, l'Esprit Saint, des grâces, pasteur. Si nous pouvons comprendre avec la révélation et l'Esprit Saint, pasteur, rencontrons-nous, croisons un fou de chefou, un fou qui a perdu la notion, qui a perdu son discernement et qui a perdu son intelligence. Et dis-lui, Jésus t'aime. S'il dit Amen, je te suis. Ça veut dire qu'il a fallu la révélation. Mais s'il faut l'intelligence et le discernement, pourquoi ne partez-vous pas prêcher, me dit. Pourquoi avez-vous, si c'est la révélation, pourquoi n'allez-vous pas prêcher aux animaux? Pourquoi ne prêchez-vous pas aux bêtes, aux, quand vous croisez les animaux, les arbres et tout, vous prêchez. Pourquoi vous prêchez aux hommes s'il faut? Parce que vous savez que l'homme a la capacité, l'intelligence, le discernement que Dieu lui a donné. C'est pour ces raisons que vous allez vers les hommes. C'est pas parce que vous pensez à la révélation. Voilà. Vous avez suivi. Nous allons le contacter maintenant. Voilà, c'est son message déposé sur la boîte vocale. Après, on va écouter et lui-même va réécouter ça certainement sur YouTube, puisqu'il est fan de YouTube et il écoute les enseignements sur Bamba Iba. Et vous autres musulmans également, vous pouvez nous écouter sur Bamba Iba, Bamba, en allant sur YouTube. Si vous avez écouté cet enseignement et cet autre extrait des musulmans, sur un autre support, vous allez sur Bamba Iba sur YouTube, vous tapez Bamba. Bamba Iba, c'est B-A-M-B-A espace Iba. Iba, c'est I-B-A. Ou nous écrit à l'adresse Yao Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S arrobas yao.fr. Je recommence. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S arrobas yao.fr. Nous serons heureux de vous répondre à toutes vos questions. Ou bien tout simplement, vous nous appelez, nous sommes au Cameroun, l'indicatif du Cameroun c'est +237 675 87 41 21, le 6 86 75 87 41 21 ou bien encore le 6 94 01 94 40. Vous serez exactement là. Vous pouvez laisser votre voice ou bien n'importe quoi sur les adresses que vous recevez ici sur Bambaïba ou bien encore contacter sur Skype, ce qui est encore plus possible. Le Skype c'est Junior, le pseudo Skype c'est Junior. Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3 cette fois-ci. Junior 3, Junior JUNHIORS avec le chiffre 3. Voilà tous les moyens pour nous communiquer. Alors nous allons contacter Ismaël donc maintenant depuis Yaoundé dans un instant. Bonjour Ismaël. Bonjour. Le frère Junior de Douala au Cameroun au téléphone. Oui, mon frère. Je suis content de toi. Merci. Même comme tu m'as insulté de façon intelligente. Non, je ne vous ai pas insulté, mon frère. J'ai juste essayé de mettre ce que je pensais oui. dans la scène. Mais apparemment, tu es où là? Tu es à Yaoundé? Oui, je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Et tu peux trouver un endroit un peu posé pour qu'on cause un peu avant qu'on se rencontre? Bon, il n'y a pas de problème. Là, c'est votre numéro. Je vous fais signe dès que je suis en route dans les embouchages d'aller rencontrer un frère. Donc, dès que je suis là, je vous fais signe alors. Dans combien de minutes? Bon, disons même d'ici même 10 minutes, c'est possible, parce que je suis déjà presque arrivé. Ah ben, là, si c'est 10 minutes, on continue à parler le temps que tu parles. Il n'y a pas de problème. Non, sans problème, sans problème. Ok. Donc, dis-moi, tu as dit que depuis presque 2 ans ou 1 an, si ma maman est bonne, que tu venais de dire. Oui, j'ai tapé sur YouTube une fois quand je faisais mes recherches. Bon, j'ai trouvé vos vidéos. Oui, bon. Comme je fais dans la religion comparée, quoi. Oui. Donc, j'essayais de chercher un peu parce qu'on m'avait donné des devoirs aussi. Avec que j'ai fait ça depuis 2 ans en ligne. Oui. Donc j'ai fait mes études en ligne. Oui. Et je reçois les cours, je reçois tout. Bon, j'ai oui. fait cela, j'ai fait un effort, j'ai essayé de voir. Oui. Bon, une fois même, vous m'avez envoyé un message, mais je ne sais pas, j'étais à Bafoussam. Oui. J'étais pour un séminaire là-bas à Bafoussam. Donc c'est pour cette raison que je n'avais pas pu gérer ça. Je vous ai envoyé le message comment? Non, un soir, je me rappelle en janvier dans la nuit, vous avez dit qu'on devait se poser sur Skype. Bon, ça n'a pas été possible. Ah, ok, je t'avais demandé de compter, de créer un compte oui, Skype. Oui, que comment ça s'est passé? Bon, moi, je vous ai dit que j'étais un peu pris à ce moment-là. Oui. Oui, j'étais là-bas pour ça, moi aussi, là-bas pour un travail. Tout ce temps. Bon, après ça, j'ai vraiment eu aussi encore plus, beaucoup de difficultés. Mais. Actuellement, je dis que ça va déjà parce que bon, je suis déjà stable. Ok. Donc maintenant, on peut quand même bien causer maintenant. Non, ça ne dérange pas mon frère, ça ne dérange vraiment tu, pas. Tu as dit que tu es en deuxième année déjà, donc ça veut dire que oui, ça c'est la deuxième année. Tu es déjà un maudit beau maintenant, bientôt tu seras un chèque. Bon, n'est pas ça qui fait. Je ne peux pas dire maudit beau, mais je peux dire quand même que non, je suis déjà un peu avancé. Oui. Parce que on met avancé selon vraiment une classe. Et je ne veux pas traverser, mais je veux passer normalement. Ok. C'est la raison que je reste. Oui. Oui, et là, tu as dit, comme on a suivi dans ton voice, tu as dit clairement que. Et là, tu peux me tenir. Comme j'ai dit que Zaïk n'est pas dans le pays. que l'autre échec, Majid n'est pas au pays. Mais que tu es là, tu peux me tenir. Franchement, je pense que je peux tenir. Parce que vu ce que j'ai déjà, où j'ai déjà essayé de faire ces petits trucs avec beaucoup de pasteurs. Bon, parce oui. que j'ai beaucoup d'amis pasteurs. J'ai beaucoup, pour oui. ne pas vous cacher. Oui. J'ai beaucoup d'amis pasteurs. Et l'exercice là te plaît beaucoup, non? On ne se chamaille pas, on court et on est bien. Oui. Franchement, on est bien parce que l'essentiel, c'est de comprendre l'autre. Oui. Oui, et voir pourquoi l'autre, lui, il est là. Oui. Et regarder dans cela s'il y a vraiment un peu, si dans ce que tu vois, il s'appuie. Oui. un franchissement solide, fiable, parce que on ne peut pas tenir sur quelque chose qui ne s'explique pas. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Il faut tenir sur quelque chose que tu peux expliquer, parce que c'est ça même la foi. Oui. C'est ça la foi de quelqu'un, tenir sur quelque chose. Parce que si quelqu'un, même le féticheur, quand il croit à ses fétiches, c'est parce qu'il est attaché à ça. Oui. Bon, ne t'inquiète pas pour le crédit, comme je t'appelle, donc on peut continuer à causer, hein, mon cher. Oh non, il n'y a pas de problème. Je suis même déjà en train de vraiment prendre où il y a le silence, parce que je l'ai sorti. Voilà. Je suis en train d'entrer pour que... Où es-tu, dans quel quartier? Bon, moi, je vis en Vannes. En Vannes. Oui. Ça, c'est à l'entrée est de Yaoundé, l'entrée sud. Voilà, l'entrée, je parle de doigts là, c'est là-bas qu'on entre avec moi. Ok. L'entrée sud, oui. Donc tu es dispo si je viens à Yaoundé en ce novembre, si on pourra avoir le temps pour travailler, non? Sans problème. Mm-hmm. J'espère qu'on va trouver un endroit calme pour pouvoir parler. On va. J'espère qu'on pourra trouver un endroit calme pour parler. Franchement, on va trouver. Ok. Donc, comment on va procéder là? Bon, on commence d'abord. Je vais d'abord te poser quelques petites questions. Je crois que ça va aller. Je crois que tu dois être un jeune comme moi. Je crois que tu dois être un jeune comme moi, donc il peut te tutoyer. Oui, non, on est un peu jeune. Mm-hmm. Et comme tu as dit, ça ne sera pas la guerre, on ne doit pas se chamailler. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas ton histoire, c'est vrai, pas mon histoire. C'est vrai. Mm-hmm. Tu es déjà posé maintenant, tu es déjà calme. Vous dites? Il dit, tu es déjà à l'endroit, un endroit où c'est silencieux. Oui. Voilà. Mais, un endroit où il faut prendre les notes, bon là, je ne suis pas, je suis pas atteint. Non, pour les notes, on en prendra pour jouer, mais comme tu es déjà un étudiant, tu dois être quelqu'un, et comme tu es... Oui, non, je peux vraiment garder beaucoup de choses. Oui. Ce que je vous ai dit hier, là, ça fait un an. Voilà. J'avais écrit dans mes cahiers, mais je n'ai pas encore vraiment... Mm-hmm. Je m'excuse de ne pas avoir répondu hier en écoutant ton voice, comme on a écouté là tout à l'heure. J'étais en train de travailler, et puis c'est ce matin-ci que j'ai écouté, j'ai dit, ok, bon, j'écoute d'abord. Puis je t'appelle. Sans problème, mon frère. Mais il y a d'abord des choses dans cette voice-là que je voudrais rectifier d'abord en premier lieu. Oui. Tu as dit que pourquoi je ne prends pas les différents livres. De toute façon, quand tu vas venir à Douala, tu pourras venir à la maison comme tu veux, d'accord? Même si tu veux dormir à la maison, tu veux dormir à la maison. J'ai toutes les versions de la Bible avec moi. Dans l'extrait où j'ai parlé d'Abdou Majid, j'ai dit que je vais prendre cette version de lui parce qu'il a envie de l'utiliser. C'est pour ça que j'y vais. Et j'ai réitéré ça plusieurs fois. Je peux lire n'importe quelle Bible, comme tu as cité. Que ce soit Jérusalem, ça ne me dérange pas. N'importe quelle Bible d'abord. C'est ça qu'il voulait d'abord te dire. Oui, là, je comprends. Ok. Maintenant, autre chose également que tu as dit, c'est par rapport à la révélation. Je vais répondre à ces différentes questions et ta question principale que tu as posée dans ton voice. Je vais répondre quand on va se rencontrer face à face, parce que je me regarder en face et le dire. D'accord. Et autre chose, il ne te dirait pas que Jésus-Christ t'aime, d'accord, pour ne pas être un menteur. Mais c'est au moins ce qui te dit que Dieu t'aime, tu vas croire que c'est la vérité. N'est-ce pas, Ismaël? Je vous écoute, vous dites. Tu ne m'entends pas bien? Non, ça va déjà, ça va, je suis bien assis, Voilà. Je disais donc que si je ne te dirais pas que Jésus-Christ t'aime, comme le pasteur t'en dit cela, d'accord? Oui. Mais avant, il te pose la question, tu es devenu musulman ou bien tu es né musulman? Bon, moi personnellement, je suis né musulman. Mm-hmm. Vous voyez un peu? Oui. Ce qui a fait, ce que je vais vous expliquer, vous voyez un peu, non? Oui. Je suis né musulman, j'ai fait, étant petit, oui, j'ai franchement aimé le christianisme. Oui. Et vous savez pourquoi j'ai aimé le christianisme? J'étais à côté des gens, des chrétiens. Nous vivions ici à Bimati. Oui. J'étais à côté des chrétiens qui allaient à la messe catholique et qui prenaient la communion. C'est la communion qui m'avait franchement marqué. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Donc j'ai compris et j'ai insisté. J'allais même en cachette à l'église catholique. J'ai même fait un concours sans dire à mes parents, je me suis inscrit au collège Vox. Oui. Vous comprenez un peu? Là, c'est au collège Vox maintenant que l'esprit s'ouvre. Je fais sixième. Que mon esprit s'ouvre par rapport à mon principal de l'époque, mon père Jean-Marie Mazas, m'invitait dans son bureau pour me rassurer. Parce qu'il était surtout un musulman qui est charbonnier, a cherché à devenir prêtre. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Donc, il a cherché à me racheter. Ce sont mes parents qui sont venus m'enlever. Donc, après des années, donc maintenant, ayant fini de lire le Coran, ayant fini maintenant, ayant cherché à m'approfondir dans le Coran, au fur et à mesure, chez nous, c'est comme, je vous ai expliqué, c'est un peu comme l'école. Oui, ça, c'est grave. Au fur et à mesure que je finissais, j'ai rencontré des camarades de classe qui étaient avancés dans l'explication. J'ai aussi voulu avancer dans l'explication. Oui. Oui, c'est pour cette raison que j'ai commencé, Bon, maintenant, en religion comparée, maintenant, qu'est-ce qu'il se fait? Oui. Je tombe sur un document un jour. Je me rends compte que tout ce que je pensais, tout ce que j'aimais avant, n'était pas vraiment bien. Oui. Tout ce que j'ai voulu aimer, quoi, aller commencer à servir, faire ceci, cela, et tout, n'était vraiment pas bien. Oui. Et là où je retourne, donc, maintenant, à relire, moi, les gens sont surpris, même mon épouse au début a été surprise. Je me mets à acheter des documents qui vont à 20 000, 25 000 pour ces choses-là. Mais je lui ai fait comprendre que c'était ma passion. Oui. Hormis de mon travail, c'est ce que moi j'aimerais faire parce que je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Oui. C'est un d'avoir. Oui. Oui, je le fais juste par plaisir. Mm-hmm. Et pour aussi vraiment ramener des âmes. Mm-hmm. Je suis un peu comme un évangéliste chez vous. Dieu, tu es Ismaël est évangéliste musulman. Vous savez, il y a chez nous, il y a maintenant des gars qui ramènent des âmes. Oui. Donc, et vous appelez ça évangéliste? Oui. C'est ça que je fais. Donc, je ne suis pas seul. Oui, ils ont. Non, je sais. Ils ont opté de marcher et puis parler aux gens de l'islam, non? Allô? Allô, vous appelez déjà un peu. Voilà, lui. Donc, il dit qu'ils ont opté par aller aux gens de l'islam et des de bienfaits de l'islam et la nécessité de l'islam, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et aussi, il y a une chose, franchement, je ne peux pas te mentir. Quand quelqu'un, il y a aussi, quand quelqu'un, tu veux parler, quand il y a les chrétiens, tu veux parler un peu de Jésus, on dit non, vous, dans l'islam, vous ne connaissez pas Jésus. Oui. Oui, c'est ça qui a fait en sorte que quand je veux donc expliquer, je suis bloqué. Quand oui. je veux. Je suis bloqué, j'ai dit, bon, je vais chercher à expliquer ça. Que nous reconnaissons Jésus, oui. mais à la différence des chrétiens, c'est que nous disons, c'est un prophète, il oui. n'est pas mort. Oui. Oui, c'est comme ça que je suis. Okay. Moi, j'ai commencé. Mm-hmm. Bon, maintenant, dans ton voice, tu as semblé me donner la définition des menteurs, d'ignorants, d'humanité oui. et autres. Donc, il m'a corrigé une autre chose encore, pas tes définitions. Je n'ai pas dit dans mes enseignements que Jésus est venu sauver l'humanité. C'est justement c'est le contraire de ce que j'enseigne. Il dit qu'il est venu sauver sa brebis. Je sais que le oui. Coran dit de Mohammed qu'il est venu, qu'il a été envoyé comme don pour l'univers tout entier. L'univers, oui. Voilà. Oui, donc, ce que vous dites est vrai. Oui. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit Jésus est venu sauver son peuple. Oui. Mais que Jésus avait deux missions. Oui, exact. Et oui. Et que l'autre mission s'accomplissait par Paul. Oui. Non. Oui. Il y a un deuxième volet qui va venir le faire haut là-bas. Donc, je crois qu'on va, oui, qu'on va se rencontrer. Il veut qu'on fasse la face à face, doucement, doucement. On va travailler, toi et moi. Non, c'est vrai. Non, là, moi, j'ai tout mon temps. Mm-hmm. Moi, j'ai tout le temps. Je ne suis pas vraiment. Voilà. Donc, je voudrais d'abord corriger le fait que je n'ai pas dit juste qu'il est venu sauver l'humanité. Parce qu'au milieu des oui. chrétiens, même, je prêche cela. Et même les chrétiens ne comprennent pas qu'il n'est pas venu pour l'humanité. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, mais je vais te poser la question par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a une chose que tu as utilisée en prenant l'apôtre Paul, en comparaison de l'apôtre Paul par rapport à son nombre de sourates et ce que le prophète Mohammed a fait. Oui. Combien de sourates Abraham, qui est le père de la foi, a écrit? Combien? Bon, Abraham, le père de la foi, a écrit des filles. C'est combien? C'est où? Dieu nous dit et nous croyons. Vous savez pourquoi j'ai fait cette comparaison? Non. J'ai fait cette comparaison parce que d'autres même, ça, vous a, quand vous appelez déjà le Coran satanique, vous comprenez un peu, oui. ça veut dire déjà donc, qu'il n'a pas de valeur. Oui. Bon. Allô? Sa source donc de celui qui l'a parti, Dieu a fait la révélation. Oui. Je vous fais donc comprendre que non, lui personnellement, c'était ni les saints. Ça fait donc qu'il ne pouvait pas être un que je t'ai écrit ce genre d'un livre qui complet. Ce n'est pas impossible. On ne peut pas venir prendre un enfant qui n'a pas fait les banques. On le dit à l'université, on demande d'écrire un livre. Et qu'on puisse apprécier celui de l'enfant de la, qui n'a même pas fait la file. Oui. On vous devrait automatiquement apprécier celui de lui qui a fait au moins l'université. Oui. Oui, c'est donc pour cette raison un peu cette petite parenthèse-là. Oui, mais si on veut prendre en fait, comme ça, on pourra éteindre la comparaison à plusieurs. Il y a le cas du prophète Jérémie qui n'a jamais fréquenté aussi, mais qui a plus de 51. Non, là, vous êtes d'accord avec moi. Mm-hmm. Jérémie, je lui dis, avant que tu ne naisses, moi, je te connaissais. Oui. Hein? Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voilà. Voilà. Ça veut dire que même sans que tu ne fréquentes, sans que tu ne saches, quand Dieu a choisi un prophète, oui, peu importe d'où il sort, oui, il peut sortir tout ce que Dieu a dit, parce que c'est les paroles de Dieu, tu les as mis dans son cœur et il ressort, ça part à sa bouche. Bon, Ismaël. Oui. Je connais la pensée musulmane, la pensée de l'islam ou bien des enseignements musulmans par rapport à l'apôtre Paul et du fait que c'est lui qui est l'initiateur, le fondateur du christianisme, le vrai fondateur du christianisme. Tu es sans doute. Tu dois savoir que je sais cela, n'est-ce pas? Bon, l'apôtre Paul, le vrai fondateur du christianisme, je ne dis pas que c'est le vrai fondateur du christianisme. J'ai pas dit que c'est toi qui as dit, j'ai dit que c'est ce que l'islam enseigne. Oui, c'est ce que je dis. Bon, je dirais que on globalise ça sur Paul parce qu'il a 14 livres. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et que les chrétiens modernes ne suivent pas. Mais réellement dit. Oui. Oui. La vérité, c'est que nulle part, vous ne pouvez nous dire que le disciple est plus grand que le maître. Oui. Automatiquement, qui est le maître, c'est Jésus. Oui. Qui est le disciple, c'est Paul. Oui. Et ce que le disciple dit, c'est tout à fait être au-dessus de ce que le maître a dit. Amen. Ça veut donc dire que si Jésus lui dit que lui est venu pour telle chose, il ne peut pas venir dire après que il est venu pour telle chose, mais encore telle chose. Oui. Là, ça veut dire que nous ne pouvons. C'est pour cette raison que nous rejetons certaines paroles. Oui. Nous prenons celles qui sont dites de la bouche de Jésus. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour cette raison que à beaucoup, je propose la Bible à la lettre rouge. Oui. Parce que la Bible à la lettre rouge ont toutes les paroles de Jésus. Quand tu me donnes une parole. Oui, donc ça veut dire que si on se rencontre à Yaoundé, tu vas apporter une Bible avec la lettre rouge, n'est-ce pas? On pourra en parler. À la lettre rouge. Hmm. Oui. Oui. Mais Ismaël, on aura des problèmes là. Là, on aura un grand problème. Oui. Parce que présentement, dans ton voice, ce que tu as dit, c'est que lui second, tu as lu lui second, et que ça ne vient pas de Dieu. Rien ne vient de Dieu, rien n'est inspiré de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour parler? Non, franchement, j'ai lu second 1910. J'ai lu second 2014 même. Oui. Moi, la question que je vais poser, c'est ceci, n'est-ce pas? Oui. Tu as dit dans ton voice que tu posais au moins 14 versions de la Bible. Il y en a plus presque 24 000 versions, si tu ne le savais pas. Ce qu'elle veut dire, c'est que... Et tu as dit dans ton affirmation, tu as affirmé que lui, second l'édition 1910, ne vient pas de Dieu, ce n'est pas inspiré de Dieu. La question que je t'en ai posée, c'est que parmi les 14 versions que tu as au moins trouvées, y a-t-il quelque chose qui vient de Dieu? Parce que tu as dit que vous croyez aux religions. Ah, vous dites religions. Que parmi tout ça, qu'est-ce qu'il y a une version qui vient de Dieu? Oui. Bon, dans toutes les Bibles, il y a les paroles de Jésus. Ok, donc finalement, même dans lui second, on peut trouver les paroles de Dieu. Même si je prends la tort. Oui. Il y a les paroles de Dieu. Tu peux toujours travailler avec ça. Ok. Tous les livres, ça, parce qu'il y a la parole de Dieu à l'intérieur et il y a la parole des hommes aussi. Ok. Donc, il va falloir faire la part des choses entre la parole des hommes et la parole de Dieu. Oui, Dieu. Ok. Maintenant, l'autre chose que je te pose comme question, parce que ce sont les bases sur lesquelles on doit travailler plus tard pour qu'on n'ait pas assez de comprendre. Sans problème, je vous écoute. Toi, en tant qu'islam, en tant qu'islamiste, n'est-ce pas, en tant que musulman, oui. Sur quelle base tu vas te baser dans la Bible pour dire que ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu? Bon, sur quelle base je vais me baser? Sur quoi je vais me baser? c'est Dieu de Dieu. C'est-à-dire que, pour dire qu'à cette instance, je vais prendre juste un simple exemple, et nous allons un peu, vous allez comprendre comment je vais me baser, je mets un peu une balance. Oui. Bon, nous savons tous que Dieu est omnipotent. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Maintenant, on dit dans la Bible que Dieu créa le ciel et la terre et toutes les autres choses. Et Dieu vit que tout cela était bon. Oui. Bon, directement après, on te dit que Dieu se repenta. Oui. A créé les hommes. Non, pas directement après, de toute façon, au chapitre 6, oui. Oui, après avoir créé toutes ces choses, on dit maintenant que Dieu se repent. Oui. Bon, mais toi, moi, nous savons, nous venons d'accepter que Dieu est omnipotent. Oui. Ça veut dire que tout ce qui devrait se faire, Dieu le connaît déjà. Mm-hmm. Si Dieu se repent, après, ça veut dire que Dieu est limité. Ok, qu'est-ce que tu voudrais par là dire avec, cet exemple? C'est pour te faire comprendre, quand tu m'as dit comment allons-nous savoir que ceci vient de Dieu et ceci vient des hommes. Oui. Moi, je ne pourrais jamais dire que Dieu se repent. Okay. Même si tout venait là, ça me convainc, je ne peux jamais accepter okay. ça. Là, maintenant, ça me pose encore une autre question, Ismaël. On va mettre au fur et à mesure des jalons, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand tu vas arriver, par exemple, dans le livre de Genèse, puisque tu as pris le cas de Genèse, et tu as vu qu'on a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Là, tu acceptes. Dans Genèse chapitre 22, où Dieu mit Abraham à l'épreuve, on dit qu'il donnait son fils Isaac, on précise Isaac. Comment tu vas baser maintenant pour dire que c'est plutôt Ismaël? Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Là-bas. Hein? Mm-hmm. Quand on dit dans Abraham, donne ton fils, qu'est-ce qu'on dit après? Ton unique. Unique. Oui. Je te pose une question. Oui. Si vous, par exemple, là, oui. vous avez deux fils. Oui. Vous avez 1000 francs. Vous avez 1000 francs. Moi, je prends 1000 francs. Oui. Hein? Oui. Moi, j'ai 100. Et que personne vient nous rencontrer, toi et moi. Oui. Il nous dit, mon frère, j'ai un problème, j'ai besoin de 500 francs. Mm. Hein? Oui. Si toi, tu lui donnes 500 francs, il y a quelle épreuve sur ça? Il n'y a pas de preuve. Parce que tu as encore 500 francs qui te restent. Oui. Si moi-même, quand je lui donne 500 francs, oui. il y a épreuve ou il n'y a pas épreuve? Il y a épreuve. Je vais donc dire que si Abraham avait deux fils à l'époque, oui. il a donné Isaac. Oui. Il savait que Ismaël est quelque part et ça, il avait continué avec avec son nom. Oui. D'accord. Oui. Bon, maintenant donc, et ça n'allait pas être une épreuve. Oui. Parce qu'en allant donner Isaac, il sait qu'Ismaël est à votre rien. Oui. Bon, maintenant, en venant donc donner, nous disons que c'est Ismaël, pourquoi? Parce que Ismaël avait 14 ans. Oui. Fils unique. Oui. Donc, il n'y a pas. Pour qui est donc, c'est. C'est ce que l'islam enseigne en disant que c'est sur la base de cette comparaison ou bien de cela que vous arrivez à la conclusion. Non, regardez, j'ai pris encore un exemple. J'ai dit qu'on a mis encore un précisé unique. Oui, non, j'arrive sur l'unique parce que. Non, pour le cas de l'unicité. Je pense que Isaac n'était pas l'unique. J'en ai dit ici, n'est-ce pas? Isaac, c'est le deuxième fils, Ismaël qui est le premier. Voilà. Je n'entre pas dans la définition biblique des termes et du langage de Dieu avec toi. Je n'en ai pas dedans parce que tu en es de comprendre unique comme étant en prenant les âmes sur les hommes. La question que je pose chez toi, c'est si donc Ismaël était unique, pourquoi Dieu va encore dire unique, sachant qu'il est unique? Non, c'est là où je vais te faire comprendre que c'est maintenant parce qu'on veut montrer que Isaac. C'est raison que, parce que si on s'arrêtait de prendre ton fils unique, oui. sans préciser Isaac, oui. tout le monde, même vous deviendrez que c'est Ismaël. Oui. Bon, voilà. même sans avoir précisé, si on ne précise pas Isaac, et qu'il n'y a que Ismaël, on dit prends ton fils unique. Si tu as un seul fils, est-ce qu'on a besoin de préciser ton fils unique? Puisque c'est lui seul que tu as, est-ce qu'on a besoin de préciser? Vous ne comprenez pas, j'explique. Oui. S'il y avait un seul fils, oui. Si le monde est venu, c'est la raison que je voudrais que nous soyons présents pour que j'essaie de vous faire comprendre beaucoup de choses, même encore plus devant dans la vie. Oui. Parce qu'il y a des parties encore là où on va nous rappeler oui. l'erreur de la Genèse là. Oui, ok, ok, où ok. On peut comprendre, où on peut comprendre que Abraham a compris. Pendant qu'on pense que à Egar de Saint-Anne, oui. On a fait des épouses. Pendant ce temps, on fait encore maintenant les autres épouses d'Abraham. Attends, je n'ai pas bien suivi cette partie-là parce que la connexion dérange. Tu disais quoi? Dans, devant, on fait comment? Oui. J'ai dit, pendant qu'on a, on prend, on fait des agas dans Genève. Oui. De servante. Oui. Et plus loin devant, on la traite encore de épouse. Oui. Et on traite maintenant de concubine, la mère des quatre autres fils. Oui. D'Abraham. Oui. Vous voyez un peu. Donc c'est pour légitimer donc Isaac, Ismaël donc. C'est ça que je me demande. Donc vous lisez mon frère quand il essaye de vouloir aller dans un sens. Oui. Parce que quand on lit un livre, c'est pour aller dans un sens. Oui. C'est pour cette raison que quand je prends par exemple là, quand je commence à le lire et que j'arrive dans un autre sens, je me rends compte que bon, c'est comme ça. Oui. Bon maintenant, comme ça, qu'est-ce que je fais? Oui. Je prends maintenant les dates de, je peux dire quoi, oui. Les jours dont on a écrit ce livre, comment ça s'est passé, oui. Et je finis par comprendre que oui. Il y a des petites erreurs. Ok. Ok. Tous ces erreurs-là, tu vas m'expliquer parce qu'on va prendre vraiment du temps pour enseigner, n'est-ce pas? Mais je vais te poser encore une question. Dans ce cas, qui a introduit Isaac dans Genèse chapitre 22? Les mêmes gens qui ont introduit Dieu se repent. Les mêmes gens qui ont introduit, puis vous savez, je vais vous dire ça simplement. Oui. Je vais vous dire ça simplement. Il y a un problème. Nous avons voulu, j'ai vu que j'ai posé cette question à tous les chrétiens. Oui. Accompli avec qui? Il comprend. Parle un peu encore plus fort, pardon, il n'est pas suivi. J'ai dit, hein? Oui. Je pose toujours cette question aux chrétiens. Oui. La promesse d'Isaac oui. S'accomplit avec qui? Tous les chrétiens me disent là là là, Jésus. Oui. Je pose donc alors maintenant la promesse d'Ismaël. Oui. Avec qui? Silence radio. Oui. Et là, toi, tu as la réponse. Tu as les réponses. Oui, j'ai les réponses. Mais comment tu parviens à accepter la promesse et les promesses faites à Abraham dans la Bible? Et lorsque la promesse va virer maintenant directement dans cette même Bible-là, allant à Ismaël, quoi, d'Isaac, tu refuses. Bon, je commence à discuter ta vie. Oui. Non, n'établis pas, on va se rencontrer face à face pour faire cela. Je t'en ai dit ici. Ah, ouais, j'allais vous expliquer. Dans ce même Jésus-là, fait virer. Non, je sais, je connais tous les lignées dont vous devez vous en parler, d'accord. Beaucoup de prophètes l'ont fait virer. Oui. Beaucoup. Bon, je pose la question, quel était l'intérêt de ceux qui ont écrit la Bible? Parce que nous sommes d'accord que ce ne sont pas les chrétiens, entre guillemets, qui l'ont fait, n'est-ce pas? Oui. Ok. Qui l'a fait? Parce que pendant qu'on a des fesses là, on a écrit la Bible, on écrit toutes ces choses-là, Jésus n'est même pas encore sur la terre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Jésus là a rencontré ces choses-là, ces écrits-là comme ça, parce que les écrits tels que c'est dans la Genèse maintenant, et dans les Abous, dans les autres prophètes là, c'est exactement comme ça que c'est écrit. Dans ce cas, Jésus n'a-t-il pas lu cela? Non, je vais vous dire une chose. Oui. Vous comprenez un peu, non? Oui. La Genèse, ce que Jésus a lu, oui. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire là aujourd'hui. Oui. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est en combien, on appelle, qu'est-ce qu'on a dit là? Qu'est-ce que je peux dire? C'est un peu comme, par exemple, nous disons, par exemple, quand je Genèse, Lévitique, Nombre, Exode, Deutéronome, ce sont les livres écrits oui. par Moïse. Oui. Mais nous savons tous. Moïse les a écrits. Ça, c'est un autre paire de manches qu'on va encore parler aussi. Bon, mon problème, c'est au niveau de le fait que, oui, avant que je devienne, les livres là sont déjà écrits. C'est là où je vous rapproche à cela. Oui. Et donc, maintenant, qu'est-ce que Jésus, lui, il venait, il apprenait. Oui. Il n'apprenait pas ce que les anciens les dit. Par exemple, Dieu a créé le ciel et Dieu s'est repenti. Oui. Il n'apprenait pas que Isaac, il n'a pas appris que Isaac est le fils unique oui. d'Abraham. Oui. Puisque quand nous allons faire, je vais vous montrer cela dans le noble Coran. Oui. Et vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu dit les livres qu'il a fait descendre. Oui. Nous sommes tous d'accord. Oui. Il dit les livres qu'il a fait descendre. Et il dit que lui, il l'a parachevé. Oui. Le courant que tu trouves. Oui, je sais. C'est la synthèse. La synthèse. Ça veut dire que pourquoi il fait en synthèse? Parce que tous les livres révélés, les gens ont cherché à l'expliquer. Il l'a fait dans la synthèse de ce livre-là. Ok. Donc, c'est-à-dire. Oui. D'après. Et il a facilité afin que nous puissions mémoriser. Mm. Il a facilité. Il dit bien que j'ai facilité afin que nous puissions mémoriser. Mm-hmm. Comme il dit dans le Coran, que c'est clair pour ceux qui sont licites. Bon. Et il a dit même qu'il a facilité. Oui. Donc, ça veut donc dire que. Déjà là. Et Ismaël, et là, permets-moi de faire une parenthèse. S'il a facilité le Coran, il a facilité la compréhension pour qu'on puisse mémoriser et bien et là même comprendre. Pourquoi avoir besoin de d'étudier comment tu étudies pour comprendre? Non, écoutez, l'islam pourquoi, n'est pas. Pourquoi aussi aller consulter les hadiths et les sunnas, les hadiths authentiques? Oui, bon, hadith, sunna, ça c'est. Je vais dire ça, c'est bien comme vous avez parlé de ça. Oui. Vous savez, du noble Coran, on ne va enlever rien dans le Coran. Oui. Mais de la Sunna et des Hadiths, on va enlever de tous les noms que vous citez là, on va enlever d'autres, on va prendre d'autres, sauf, je dis bien sauf pour le prophète Muhammad. Oui. Les Hadiths, etc. Donc quand vous disiez Hadith rapporté par Moulinkel, on peut enlever ça. Oui, mais il n'y a pas de hadith que Mohamed lui-même a écrit, puisqu'il était illettré. Tous, ce sont les faits et gestes et vécus de Mohamed. Bon, c'est ce que j'ai dit, que ce qui est donc de Mohamed, c'est quoi? Ce sont les 114 sourates. Oui. Donc et les hadiths que les autres expliquent là. Oui. On va même mettre du Coran, on enlèvera. Tu vois, Ismaël. Oui. Tu vois donc, en fin de compte. Tu vas voir effectivement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, dans tous les livres qu'il a révélés, il n'y a jamais eu d'explication de ces livres-là autrement. Ce sont les prophètes qui apportaient l'explication. Et les explications que les prophètes apportaient n'étaient pas, et leur vécu quotidien n'était pas quelque chose qu'on devait prendre à la lettre pour telle ou telle chose. Puisqu'on voit effectivement des prophètes qui ont vécu avec des prostituées comme le prophète Osée. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Tu vois que le Coran ou bien l'islam est le seul qui incite indirectement les gens de prendre, puisque c'est dans un verset coranique qu'on prend à Mohammed le modèle. Et par conséquent, les hadiths et les sunnas peuvent sortir et tirer dans tous les sens. Tu vois effectivement que pourquoi Allah donne le Coran et il dit que c'est clair pour qu'on puisse bien comprendre. Et on dit donc que Allah, dans le Coran, d'envoyer les gens hors du Coran. Alors qu'il a dit que tout est dans le Coran et c'est clair pour tout le monde. Non, tu sais pourquoi il a. Écoute, voilà donc là où encore il y a un petit différent. Oui. Allah dit. Ils viennent te demander. Oui. C'est tout bien, hein? Ça veut dire que la révélation vient quand il y a déjà les livres, il y a les arbres, il y a déjà les îles. Oui. C'est ça, non? Oui. Allô? Non, oui. Parle, mon frère, parle, tu es là. Oui, je disais, hein? Oui. Le Coran descend quand il y a déjà les arbres, l'Injil, la Torah. Oui. Maintenant, ces gens-là ont lu l'Injil, ils ont lu la Torah. Tu comprends un peu? Oui. Maintenant, ils viennent poser des questions au prophète. Oui. C'est là où Dieu dit au prophète, ils viennent te poser la question. Oui. Pourtant, ils savent que ce que tu es en train de dire est vrai. Oui. Parce que ils ont lu ça dans leur livre. Oui. Tu comprends un peu? Qu'est-ce qui est donc vrai? C'est comme par exemple, quand peut-être on est venu poser la question à Jésus, après on dit à la fin, il demandait ça pour l'éprouver. Oui. Quand on demande à quelqu'un pour l'éprouver, c'est que tu connais déjà que c'est vrai. Oui. Mais tu demandes pour l'éprouver. Oui. Encore que dans les Korachites et autres, et le peuple et la communauté juive qui était là-bas, n'étaient pas nécessairement des croyants qui suivaient la Torah. Parce que les communautés juives étaient partout, voilà. Parsemées partout. Donc, on va y revenir également. Je peux avancer encore sur notre plan. L'un des piliers, des six piliers que tu as cité dans ton voice, c'est que l'un des six piliers que tu as dit comme base pour la croyance, c'est que vous croyez à toutes les religions révélées, les livres révélés et ainsi que tu les envoyais. Et c'est que le Coran dit que nous croyons aux livres qui étaient avant vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je pose la question simple. Quand tu dis que nous croyons aux prophètes qui étaient avant. Vous croyez en eux comment? Que veut dire croire pour vous? Nous croyons qu'ils ont existé. Qu'ils ont existé? Oui. Ok, mais si tu ne crois pas ça, ça fait de toi un faux croyant, un faux musulman. Oui, si tu ne crois pas qu'il a existé, ça fait de toi un faux musulman. Ok, donc par exemple, à l'exemple de Jésus, par exemple, comment vous croyez en Jésus? Parce que vous dites dans tous les chaînes musulmanes, on dit que non, nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Comment est-ce que vous croyez en Jésus? C'est quoi croire en quelqu'un? Jésus dit en Matthieu, je n'ai été envoyé, comme vous avez dit, rien que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Oui. Vous avez été d'accord avec moi pour cela. Oui. Vous avez, bon, maintenant. Non, j'ai dit que le Seigneur n'a pas été envoyé à toute l'humanité, il a été envoyé à son peuple. À son peuple. Garde bien le mot, son peuple. Comment donc nous n'allons pas croire à quelqu'un qui a vu? Puisque, chaque peuple, donc chaque communauté a eu un prophète. Chaque oui. communauté a eu un prophète. Ça veut donc dire que si déjà nous ne croyons pas que chaque communauté a eu un prophète, nous n'allons pas croire à ces prophètes. Oui. C'est pour cette raison que nous croyons en tous les prophètes. Bon, d'Adam. Oui, suis bien ma question, mon cher Ismaël. Suis bien ma question. La question, c'est par exemple, moi, je suis le frère Junior. Si il dit maintenant que je crois en Mohamed, qu'est-ce que tu vas me dire par la suite? Il dit que tu crois en Mohamed. Oui. Il dit que tu crois en Mohamed. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, par exemple, je dis que je crois en Mohamed. Mohamed a existé. Je crois en lui. Est-ce que ça fait de moi un musulman? Bon, dit que vous croyez en Mohamed. Et ce que Dieu a fait dans celui, oui. et attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez un peu? Oui. Oui, attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Là tu vois donc que tu, pour Mohamed, tu es en train d'ajouter les choses à ces croyances-là, à la façon dont tu as défini pour le cas de Jésus et des autres prophètes. Oui. C'est pour ça que je pose encore la question. Quand vous dites que vous croyez en Jésus, vous croyez comment? Voilà. La preuve en est, nous croyons en Adam d'abord comment? Commencez par non, Adam. Laissons Adam non, et tous les autres. Il veut s'entraîner sur Jésus. C'est pour que vous compreniez un peu comment nous croyons. Oui. Nous croyons en Adam comme prophète parce que c'est lui qui a donné le nom de tout ce que nous portons, nous appelons aujourd'hui. Oui. Ça, c'est déjà un peu. C'était sa mission. Oui. Maintenant, de Jésus, oui. nous croyons en lui parce qu'il est venu au moment de la. Avec des miracles. Oui. Ça, c'est ce moment. C'était le moment des miracles. Oui. La guérison, redonner, refaire vivre les morts, faire tout, ça c'était le moment. Par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Maintenant, nous croyons au prophète, oui. parce que c'est à lui que Dieu a fait descendre le livre. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc chaque prophète avait une mission. Oui. Et la mission de Jésus était de venir redonner. Au moment où il fallait, il y avait la mission de Moïse, au moment où il y avait la magie. Oui. Et Dieu lui a donné la magie pour en faire de la magie. Oui. Au moment de Jésus, c'était au moment de guérison. Oui. Dieu lui a donné le pouvoir et il a guérissé. Maintenant, je vais revenir sur le problème de croyance. Je peux te poser une question. Oui. Pourquoi dans la Bible, dans le Coran, et prenons le cas de la Torah, pourquoi il y a beaucoup plus les prophètes chez les juifs particulièrement? Pourquoi? Il y a beaucoup de prophètes chez les juifs. Et ben, je prends avec le verset coranique qui dit que nous avons envoyé des messagers chez chaque communauté, nous avons envoyé un messager. Tous les autres oui, là, pourquoi c'était les juifs particulièrement? Je vais te surprendre. Oui. Parce que même dans la Bible, est-ce que Moïse était juif? Pardon? Est-ce que Moïse était juif? Non, tu as dit que tu vas me surprendre. Attends que tu me surprennes oui, en disant qu'il n'était pas israélite. Non, vous avez dit les juifs. Je vous pose je parle d'Israël, je parle de descendants d'Israël. Voilà. Mm-hmm. Regarde donc, je te prends donc maintenant. Tu as ta Bible là à côté de toi. Non, vas-y, parle dans quelques versets que ce soit. Je vais te faire comprendre une chose. Oui. Moïse dit, quand Dieu rencontre, oui, Moïse dit, il dit à Moïse, je vais susciter un prophète. Oui, comme toi. Hein? Du milieu de tes frères. Je connais toutes les différentes ramifications que vous en faites. Je vous pose juste une seule question. Oui. Et nous rentrons sur Ismaël et Isaac. Oui. Comment? Nous rentrons sur Ismaël et Isaac. Oui. Oui. Ismaël est allé habiter où? En face de ses frères. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Il a vécu en face de ses frères. Oui, Ismaël. Il a vécu en face de ses frères. Ça veut dire que pendant que Ismaël était en France. Bon, maintenant, les prophètes ont suscité. Je ne sais pas si toi et moi, nous sommes frères. Oui. Si nous sommes frères de même père, moi je suis en face de toi. Oui. Et que maintenant, le prophète est chez toi. Oui. Et il te dit encore, je vais susciter d'entre leurs frères. Oui. Il te dit, je vais susciter d'entre vous. Pourquoi tu veux, pourquoi tu veux que Dieu utilise cette terminologie? Parce que je peux te montrer au moins 40 versets dans la Bible que Dieu utilise la même chose comme ça, cette même terminologie. Dans que leur frère, bon, je vais te poser une question. Oui. Hein? Oui. Dans que leur frère, oui. Hein? Oui. Il sera comme toi. Oui. Vous pouvez me donner un prophète qui était comme Moïse. Non, on va voir tout cela parce qu'il connaît toutes les définitions par rapport à cela, d'accord? Non, je pose une question. Dis-moi lui ou non, vous pouvez me donner un prophète qui était comme Moïse. En passe, c'est différent, oui ou non. Moi, je ne veux pas que vous me donniez le nom même. On va garder ça pour... Oui, oui, non, non, ok, je pourrais te donner un prophète qui était comme lui. À qui Dieu a fait descendre un livre. Non, non, Dieu n'a pas dit là-bas qu'il va faire descendre un livre sur lui. C'est toi qui as dit. Non, on a dit comme lui. Oui, Guéri comme lui. Comment? Guéri comme lui. Parce que Moïse était non, c'est toi qui as ajouté les terminologies parce que tu vas dire qu'il était marié, il avait la communauté, il avait ceci, il était guéri. Si comme ça veut dire même chose, il va falloir que. Regarde, n'est-ce pas? Regarde, suis attentivement, mon cher Ismaël. Je connais tous les écrits que vous parlez par rapport à Deutéronome 18-22 et tout ce que vous avez dit par rapport à Moïse et tout ce que vous avez écrit en comparant Moïse avec ceci, qu'il était guerrier, il était politisé, il a amené la loi, celui-ci a amené ceci. Encore. Oui. Vous connaissez tellement Deutéronome 18-22. Non, je connais le cantique de cantique. Je connais tout ce que vous parlez de cantique de cantique. Je veux terminer dans un petit. Tu sais ce qu'on dit dans Deutéronome. Que quoi? Je ne te donne pas le verset. Oui. Tu le cherches. Oui. On dit, il n'est plus jamais paru. Paru, ne t'inquiète pas, c'est dans le dernier chapitre de Deutéronome. Un prophète comme Moïse. Un prophète comme lui. Où Dieu lui parlait face à face. Oui. En Israël. Oui, oui, je connais. C'est un mensonge. Mon cher Ismaël. Oui. Tu sais pourquoi c'est intéressant avec la Bible et avec vous? Non. C'est parce que c'est facile de détacher ce qui est vrai du livre. Et c'est en ce sens-là que la Bible est claire. Bien. Tu vois effectivement que lorsque l'auteur du Deutéronome est en train d'écrire, l'auteur du Deutéronome est en train d'écrire et il en est scellé, après lui, il y aura beaucoup de choses, de personnes qui vont venir, par exemple. Le livre de Osée a été écrit. Voilà. Suis attentivement ce que ça veut dire. Je vous écoute. Suis attentivement. Nous sommes au Cameroun, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Si quelqu'un avait écrit autant du temps de Amadou Ahidjo avant 1982, en écrivant que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, il n'a point paru un président comme Amadou Ahidjo. Il écrit ça, il meurt. Après lui, donc, ça veut dire qu'après celui-là, il n'y a pas un autre président. Je vous pose une question très simple là maintenant. Oui. Il n'est plus paru un prophète comme Moïse. Oui. Je vous pose une question, mon frère. Oui, pose la question. Pourquoi est-ce que quand vous prêchez, oui. Je vous pose ça simplement, question d'intelligence. Quand vous prêchez, vous prenez des versets dans le. Allô? Oui, je demande quand vous prêchez. Oui. Vous prenez les versets dans le Deutéronome. Il prend le verset partout parce que tout ça, c'est la parole de Vous Dieu. Vous prenez partout? Oui. Pourtant, c'est un texte déjà dépassé. Non, suis attentivement. Je n'ai pas dit que c'est dépassé. Tu ne m'as pas suivi. Non, puisque vous m'avez fait comprendre, vous avez fait un exemple à terre. Si quelqu'un parlait au temps d'Aïdjo, ça veut dire que Aïdjo n'est plus dépassé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Suis attentivement. Non, ça veut dire que les paroles. Non. Ismaël, écoute-moi très attentivement. Je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas dit Deutéronome est passé. Je suis en train de dire que quand la personne conclut le livre, à l'instant où il conclut le livre de Deutéronome, il dit qu'il n'a plus paru. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Oui. On n'a pas dit qu'il ne paraîtra plus. Parce que Moïse, justement, dans ce livre de Deutéronome, il dit qu'il suscitera du milieu de vous. Le problème se situe au milieu de vous, n'est-ce pas? Oui. Quand on va parler, je vais te donner beaucoup de passages concernant ce milieu. On va lire avec le même contexte de Deutéronome 18 et tu vas me donner ton explication. Parce qu'il y a comme lui, du milieu de tes frères. Parce que vous dites que le milieu de tes frères, là, ça, il parle comme ça de Mohamed, et vous allez prendre également Ésaïe chapitre 48 par rapport qui sera la lumière des nations, les îles espérant en son nom. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire d'abord, c'est ceci. N'est-ce pas? Oui. La question qui était posée, c'est pourquoi la majorité des prophètes sont issus d'Israël? C'est la question que je pose. Pourtant, le Coran dit qu'il a envoyé aux communautés, différentes communautés, les prophètes. Est-ce que tu peux me donner le nom, par exemple? Par exemple. Je vais vous poser une question simple. Oui. Je vous ai posé d'abord une question. Vous avez dit Israël. Jonas, lui, était quoi? Jonas? Oui. Le prophète Jonas était d'Israël. Lisez encore une fois la Bible. Comment? Vous lisez l'ancien. Maintenant encore, je continue encore à vous poser une autre question. Revenons d'abord sur Jonas. Oui, Jonas n'a que 4 chapitres. Franchement, je vous demande, Nive, c'est une ville d'Israël. Mon cher. Oui. Mon cher, tu m'as posé la question. Oui. D'où était Jonas, sa nationalité? Tu ne m'as pas demandé où est-ce qu'il allait prêcher. Là où il allait prêcher. J'ai demandé si Ninive était une ville d'Israël. Non. Tu as dit Jonas. Tu as dit Jonas était. Il était d'où? J'ai dit bon. D'Israël. Oui, Ninive. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez, dans vos bibles, dans les quatre chapitres de Jonas, vous pouvez me montrer que Jonas était israélite? Non, je vais te le prouver, d'accord? Oui. Oui. Voilà, ça c'est un. Je veux que toi. Je veux poser une question. Vous dites que tous les prophètes étaient israélites. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Que la majorité. Voilà. En fait, l'islam me fait état de 124 000 prophètes, n'est-ce pas? Je veux continuer à vous poser d'autres questions concernant les prophètes. Ok. Avant, je vous pose une question. Oui. Abraham, il était quoi? Abraham. Oui. Abraham était serviteur de Dieu. Il n'était pas d'une nationalité, il était mésopotamien. Il n'était pas d'une nationalité. Comment? Mais il n'était pas d'une nationalité. Je suis attentivement, n'est-ce pas, mon cher? Oui. Nous parlons, la formation d'Israël vient avec Jacob. Oui, avant d'abord que ça ne vienne avec Jacob. Oui, avant Jacob, a une lignée de prophètes. Il n'a pas de communauté de prophètes. Ah, il a une lignée de prophètes. Une lignée, pas une communauté. Voilà. Maintenant, donc, alors, oui. Dans nous, personnellement, dans votre Bible, vous avez combien de prophètes? Ils atteignent 1000. Comment? Vos prophètes dans la Bible, est-ce qu'ils atteignent 1000 prophètes? Ils n'atteignent pas 1000. Bon, ils peuvent atteindre 50 même. Ils dépassent. Ils dépassent 50. Oui. Donc, ils peuvent atteindre même, ils peuvent atteindre 500. Oui. Bon. Je veux savoir. Oui. Je sais que la tradition musulmane met que Dieu a au total 124 000 prophètes, n'est-ce pas? Voilà. Et je ne sais pas si vous voulez me dire, s'il faut vous expliquer ça d'une autre manière. Non, parce je comprends. Ismaël. Ismaël. Oui. Toi, tu as dit tout à l'heure dans tes propos que la foi, pourquoi il faut expliquer aux gens pour que les gens comprennent, parce que c'est ça même la raison même de la foi. Oui. Il faut que, par exemple, que parmi tes 124 000, par exemple, pour que je puisse croire, tu me montres par exemple que je te donne un pays, tu me donnes le nom d'un prophète, selon le Coran. Bon, là, je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Hein? Oui. Il y a la narration. Oui. Il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. Oui. Je ne sais pas, je vais vous poser une seule question. Oui. Est-ce que si aujourd'hui, on vous amène devant le chef de l'État, oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas peut-être vous dire, parler avec le chef de l'État, oui. C'est en 10 phrases. On peut vous dire ça? Le protocole peut vous dire ça? Non. Non, le protocole, quand le ministre écrit une lettre au chef de l'État, oui. il y a la digestive à suivre. Oui. C'est-à-dire qu'on ne dit pas introduction, conclusion, pas plus de telle et telle que 5 lignes. Oui. C'est-à-dire qu'on met Marcy 10 lignes. Oui. Hein? Oui. C'est parce que tout ce que tu veux faire, ce oui. que tu vas dire au chef de l'État, on te demande de le mettre dans 10 lignes. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on t'a demandé si tu peux narrer ayant fait cela? Non. La foi qu'on vous avait dit, je vous ai dit, Dieu dit, s'il y a eu 124 000 prophètes, j'ai dit Amen. S'il y a eu les fées d'Abraham, j'ai dit Amen. Les 124 000 prophètes là, est-ce que c'est écrit dans le Coran comme ça? Est-ce que les 124 000 prophètes, là, ici, c'est écrit dans le Coran comme ça? Non, il a dit qu'il l'a fait dans toutes les communautés. Oui, mais est-ce qu'il y a 124 000 communautés seulement? Non, je dis, il a dit qu'il a fait descendre dans toutes les communautés. Si toi, tu dis non, si tu dis que non, ça veut dire que tu ne... C'est pour ces raisons que je dis. Oui. Je vous ai précisé, je vous ai dit que livre. Oui. Parce que quand il dit, j'ai fait descendre des prophètes dans toutes les communautés. Oui. Là, je vais le croire. Bon, est-ce que, c'est pour ça qu'il dit, est-ce que toutes les communautés, donc, c'est, au total, c'est 124, mais parce que, est-ce que, j'ai la question que vous avez posée, c'était, écoutez, il y a oui. les prophètes, oui. les messagers. Yeah. Il y a les messagers. Il y a les prophètes, il y a les messagers. Non, non, je suis au niveau des prophètes, parce que la tradition musulmane dit qu'il y a 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Mais combien de messagers? Non, non, je dis, n'est-ce pas, pour le moment, ici, sur le cas des prophètes, parce que Mohamed, par exemple, est aussi un messager. Non, je veux savoir une chose. On peut t'envoyer un prophète et après on envoie un messager ailleurs. Et comme justement, les prophètes peuvent être aussi des messagers, parce que Mohamed est un prophète et un messager aussi. Le problème, c'est que le prophète, c'est celui qui vient écouter. Le messager, c'est celui qui vient avec un message. Mais comme Mohamed, par exemple. Oui, il est venu avec un message. Donc, il est prophète messager, n'est-ce pas? Il est messager. Non, mais il est quand même prophète messager, non? Bon, prophète, parce qu'on veut l'appeler. Non, ne commence pas comme ça. Parce que le Coran dit de lui qu'il est prophète. Il est prophète parce qu'on veut la Bible est venu avec la parole. Voilà. Messager, il est venu avec la parole. Et messager, quand je dis messager, oui. Et quand je dis prophète, oui. Quand je prends un exemple, oui. Hein, quand vous appelez Jonas que j'ai pris tout à l'heure, oui. Lui, il était quoi? Il était prophète messager. Il était prophète. Oui. Moïse était quoi? Prophète messager. Moïse était prophète messager, législateur. En tout cas, quand vous allez vraiment comprendre, parce que vous voulez contourner, vous voulez absolument contourner. Non, Ismaël, c'est toi qui me contournes. J'étais posé la question sur le prophète, tu as d'aller ce message. Je t'ai demandé, est-ce que dans le Coran, c'est écrit qu'il y avait 124 000 prophètes? Non, je vous dis que Dieu dit j'ai suscité des prophètes et des messagers. Le nombre 124 000 donc vient de qui? Non, le nombre 124 000, oui. C'est comme on décide, c'est comme par exemple, dans les on appelle ça des choses comme des arbres. Tu ne verras pas ça dans le Coran. Alors dans ce cas, est-ce que je suis obligé, est-ce qu'un musulman est tenu de croire à ça? Au 124 000? Oui, non, c'est-à-dire qu'il y avait eu 100, que Allah dit qu'il a eu 124 000 à envoyer. Non, moi, tu peux croire s'il y a eu 124 000. Je ne sais pas quoi qu'il y a 124 000. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas une vérité absolue alors. Ça veut dire quoi? On ne te reproche de rien. Oui. Mais si tu te lèves maintenant et tu me dis que dans la sourate, il y a quelque chose, oui. Là maintenant, tout le monde va se lever et dire, Subhanallah, ça ne va pas accepter. Oui. Donc en clair, un musulman peut refuser en disant que je ne crois pas qu'il y a 124 000 prophètes et il a raison. C'est pas un exemple des hadiths. Oui. On dit, par exemple, que bon, j'ai eu ça avec un juif l'autre jour, j'ai eu ce problème avec un juif. Le juif vient face à moi, il me voit sans la barbe. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Lui, il est bien barbu, il a mis son chapeau. Il me dit, mais moi, tu es musulman, sans la barbe. Mais si on te demandait de faire quelque chose pour une femme, tu aurais fait. Tu sais ce que je lui ai répondu? Non. Je lui ai dit que ça, ce sont les sunnas. Oui. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Oui. Donc, ce qui est écrit dans les sunnas et dans les hadiths, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Oui. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Les cinq piliers de l'islam, tout cela se maintient dans le Coran. Les cinq piliers de l'islam, voilà, je vais vous expliquer un peu, oui. Les cinq piliers de l'islam. Oui. Tout ça est mentionné dans le Coran. Prier, faire zakat. Zakat, oui, oui. Donc, tout ça est écrit dans le Saint. Attends, Ismaël. Oui. Je recommence encore. Le sacrifice d'Abraham, ou mieux, le sacrifice que la fête des moutons que vous fêtez là, c'est écrit dans le Coran. Le sacrifice? Oui, la fête du sacrifice là. La fête du sacrifice? La tabaski. C'est écrit dans le Coran. Écrit comment de faire? Oui. Ou c'est que le geste est écrit dans le Coran? Non, suis attentivement. Est-ce que c'est prescrit aux musulmans de l'observer dans le Coran? Oui. C'est la tabaski. Oui. Il est écrit, écoutez bien maintenant là, vous comprenez un peu non? Oui. Il est écrit que après, il y a un mois, juste pour moi, jusqu'au jour où il faut célébrer cette fête. Oui. Jusqu'au jour. Je dis jusqu'au jour. C'est-à-dire que après le début du mois, le dixième jour, oui. Le dixième jour du mois, de ce mois, oui. Il est écrit de faire cela. Pas comme, écoutez bien. Oui. parce que... Tu sais pourquoi ils sont posé bien la question, non, Ismaël? Non. Allô? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Je recommence encore. Le style de sacrifice, c'est-à-dire que la tabaski ou on immole le mouton là, est-ce que c'est prescrit par le Coran ou bien dans les sunnas? C'est prescrit dans le Coran. Que quoi? Expliqué dans la sunna. Non, non. Non, laissons la sunna, parce que tu as dit, quand on sort de la sunna, quand on va de la sunna, là, ça oui, s'appelle dans tous les sens. Oui, c'est expliqué dans le Coran. Oui. C'est écrit dans le Coran et expliqué dans les sunna. Oui. Dans le Coran, c'est dit quoi, par exemple? Allô? Allô? Oui, il dit, n'est-ce oui. pas? Oui. Par rapport à l'immolation de ces moutons-là, qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que le Coran dit, clairement? Le Coran parle d'Israël, à qui Dieu a demandé à épouser. Parle d'Abraham que Dieu a éprouvé, oui. il a demandé oui. comme sacrifice son fils. Oui. Et lui, est directement après avoir accepté ce sacrifice, et on dit à Israël, parce que contrairement à lui, on l'a caché, on lui a dit que Dieu allait visiter la paix là-bas. Oui. Il a dit à son fils, Dieu m'a demandé de détruire. Et Abraham et Ismaël lui a dit, si c'est la volonté, de la soit faite. C'est comme ça qu'arrivé au moment du mollet, la bête, Dieu a fait venir la bête. Oui. Et là, maintenant, nous avons gardé deux jours, cette date. Non, non, non, Ismaël, fais attention. Je veux, ça, tu as raconté l'histoire. Et la question que je pose, c'est que est-ce que c'est prescrit dans le Coran que vous fassiez tuer le mouton? C'est ce que je suis en poser comme question. Non, c'est pas prescrit de tuer le mouton. Vous le faites donc pourquoi? Nous le faisons en commémoration. En mémoration. Suis-moi attentivement. Je sais pourquoi ils sont déposés oui. la question. Tu as dit que vous croyez aux 124 000 prophètes. Oui. Voilà. Quoi? Abraham n'a pas fait quoi que ce soit comme livre que vous avez dans le Coran. Tu as dit que Mohamed est venu faire le risque. Abraham a les faits dans le Coran. Non. Il y a l'histoire d'Abraham. Il y a l'histoire d'Abraham. Il n'a pas laissé le livre comme Moïse. Écoutez, je dis, hein. Oui. J'ai fait descendre. Oui, il a descendu sur les prophètes. Il a descendu sur le renseignement. Il dit, vous n'avez pas le livre d'Abraham. Vous n'en avez pas. On a donné le renseignement qu'on a descendu le livre sur lui. Ce n'est pas lui seul. La question que je te pose, c'est ceci. Tu as dit que Mohamed est venu parachever. Il est venu faire comme un synthèse de tout ce qui était au parachèvement. Mais là, voilà un rite que vous allez faire dans le passé. Par exemple, le prophète Jonas a fait des sacrifices lui aussi. Les autres prophètes ont fait des sacrifices. Pourquoi vous prenez seulement le sacrifice d'Abraham qui n'est même pas prescrit et le fait? Bon, voilà, je vais vous poser une question. En répondant d'abord. Oui, je réponds directement à votre question. Oui. Quand vous dites qui est le père de la foi? Abraham. Abraham est le père de la foi. Oui. Chez vous comme chez nous. Absolument. D'abord, c'est chez vous il est le père de la foi, chez nous il est le père de la foi. Oui. Et c'est peut-être parce que j'ai pensé à vous montrer ce sacrifice. Je vous ai dit, un sacrifice oui. se fait quand ça devient un sacrifice, quand tu donnes ce que tu as pour tant que tu n'en as pas un autre devant. Oui. Derrière. Oui. Hein? Oui. Ce qui fait donc que chez nous, quand quelqu'un réussit déjà à accepter qu'il peut se lever. Franchement, cher. Puisque le mouton, c'est ce que vous voyez, c'est parce que c'est ce qui est là. Il y a des chameaux. C'est oui. permis d'égorger le chameau. Oui. C'est permis d'égorger. Vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire que quand vous voyez même le mouton, c'est seulement parce que c'est à notre portée. Oui. Ismaël, jusque là, tu ne réponds pas à ma question. Je veux que tu m'écoutes très attentivement et c'est valable pour tous les musulmans parce que je sais pourquoi ils posent la question et à vous. Les musulmans doivent vivre selon le Coran. Et si on sort du Coran, on va hors de Hadith, ça peut aller dans tous les sens. La fête de la tabaski, l'immolation du mouton, Dieu a donné le renseignement à ce que Abraham a fait. Est-ce qu'il a prescrit quelque part à un seul musulman de réitérer cet sacrifice? C'est la question que je te pose. Si c'est non, pourquoi vous le faites? On le fait parce que le prophète l'a fait. Ok. Donc c'est parce que le prophète l'a fait que vous le faites. Oui. Oui. Maintenant, là, ça c'est dans la sunna que tu as pris cela, c'est pas dans le Coran. Je ne dis pas non, c'est pour cette raison que je vous dis que je vous fais comprendre que c'est que le prophète. Et je veux vous rappeler encore une chose. Un prophète oui. est d'abord un envoyé de Dieu. Oui. C'est quelque chose. Ce que nous cherchons à faire, ce que vous cherchez à faire, c'est de marcher comme votre prophète. À le moins que vous voulez marcher comme un autre prophète. Oui. Celui qui est votre, celui que vous prenez comme votre Dieu, votre modèle. Seigneur et Sauveur aujourd'hui, modèle, oui. C'est à lui que vous demandez toujours de ressembler. Oui. Contrairement à ce que moi je vois dans la Bible, un prophète n'a pas de péché. Hein? Pourtant, un prophète n'a pas de péché. Oui. Sans péché. Déjà, Dieu l'a envoyé là à anéantir ça sur lui. Attends, je comprends pas. Un prophète n'a pas quoi? Il n'a pas de péché. Mais dans ce cas, pourquoi pas deux fois dans le Coran, Dieu demande à Mohamed de demander le pardon pour ses péchés? Péchés présents et futurs. Comment? Ces péchés présents et futurs. C'est ce qu'on a demandé au prophète. C'est pour cette raison que je vous dis une chose. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. On demande au prophète que toi, Dieu t'a déjà choisi, prophète. Dieu t'a déjà même pardonné. Oui. Pourquoi tu demandes pardon chaque fois à cet enfant en or? Donc il ne savait pas, en tant que prophète, il ne savait pas qu'il devait lui donner pardon? Non, il l'a dit, voilà. C'est comment là? Une interruption là. Oh là là, oh là, coco! J'ai des petits soucis ici. Nous allons essayer de rejoindre encore notre bien-aimé. Désolé, on a eu quelques interruptions là. Quelques interruptions. Allô? Allô, mon cher Ismaël. Oui. C'est ton téléphone qui s'est éteint? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, tu tiens de parler. En fait, voici mon l'inquiétude, c'est ceci, c'est que les musulmans sont en train de montrer aux gens aujourd'hui qu'il faut qu'on suive, parce que c'est la religion, que Allah a agréé la religion des musulmans, comme il a dit. D'islam. Il parachève et il agrée la religion d'islam. On dit l'islam. Regardez un peu, mon frère. Oui. L'islam. Que veut dire islam? On va revenir sur la définition. On doit pas y revenir ici. Ah, sur la définition. Voilà, tu as défini ça dans ton voice. Et musulman, celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Ils sont de dire que le Coran dit qu'il a achevé, il agrée l'islam pour religion. Pour religion. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il agrée pour religion et il y a des prescriptions qui s'y trouvent. J'ai pris la tabaski exprès. Parce que nulle part dans le Coran, Dieu ne demande aux musulmans de sacrifier le mouton, mais vous le faites. C'est ça, je vous expliquais que la sunna. Oui. Que toi-même, tu as dit tout à l'heure que ça peut créer problème. Oui. Vous avez demandé qu'un prophète, pas le prophète, pour demander le pardon de ses péchés. Je dis que quelqu'un veut demander au prophète, oui. Pour toi qui es prophète, toi qui es messager, toi, oui. Tu demandes le pardon de ses péchés. Il a dit, quoi? Tous les jours que vous allez vivre sur la terre, oui. Demandez pardon aux péchés. Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait donc que quand vous parlez de la tabaski, oui. Le prophète lui a fait la tabaski. Oui. Et nous avons fait la tabaski. Est-ce que Mohamed il a fait la tabaski pour imiter Abraham? Pourquoi il a choisi Abraham? Parce qu'il y a d'autres prophètes qui ont fait des sacrifices. Il y a par exemple le cas de Moïse qui a fait des sacrifices dans le désert en mettant sept chameaux. Il y a le prophète Élisée. Il y a le prophète David qui a fait des sacrifices dans le territoire, dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. Pourquoi donc Mohamed? Parmi ces sacrifices-là, quel était un sacrifice vraiment différent? Quelle était la différence de ces sacrifices? Chaque sacrifice était différent parce que ça abaissait à Dieu différentes manières voilà. De s'exprimer. C'est la raison que je vous ai posé que vous prenez qui comme père de la foi? Pourquoi vous ne prenez pas Moïse aussi qui est père de la foi? Non, qui a fait ces parce, que, parce que Dieu dit que c'est Dieu qui a dit que c'est Abraham qui est le père de la foi. Père, c'est-à-dire que c'est Abraham. Ah, merci. Oui. Merci. Oui. Comme Dieu dit que Abraham est le père de la foi, oui. Ça veut dire que toi-même étant assis, oui. Tu cherches la foi. Quelle foi tu cherches? La foi d'Abraham. Et donc, ça veut dire que quand tu dis comme ça, ça veut dire que ce que tu veux faire, c'est que il faut faire comme Abraham a fait. Qui parmi les 124 000 prophètes ont fait exactement la même chose qu'Abraham a fait? Par exemple, le prophète Jésus, a-t-il fait le sacrifice d'Abraham? Le prophète Jésus? Oui. A-t-il fait le sacrifice d'Abraham? Oui. Puisque lui-même, il est venu après Abraham et il sait que Abraham est le père de la foi. Est-ce que Jésus a immolé aussi des moutons comme Abraham l'a fait, comme Mohamed l'a fait aussi? Moi, je vais vous poser une question. Sans répondre à la mienne. Nous, oui, en répondant à la tienne. Oui, vas-y. Non, oui, en répondant à la tienne, franchement, oui. Parce que ce que je vais vous poser sera ainsi. Vous allez, après cela, vous allez me demander, par exemple, que pourquoi vous priez 5 fois par jour. Oui, non, non, il veut poser la question sur le non, Coran. Non, je prends un exemple. Je oui. prends un exemple. C'est écrit dans le Coran. Pourquoi vous allez, par exemple, bon, pourquoi vous faites la zakat? La oui. prière de 5 fois non, par jour. Non, la zakat est prescrite. La zakat est prescrite. Non, non, je voulais dire quoi? Pourquoi vous priez 5 fois par jour à des heures? Oui. Je voulais préciser plutôt à des heures. Ok, ok. Mm-hmm. Est-ce que c'est inscrit dans le Coran? C'est ça, non? Oui, absolument. Voilà. Moi, je vous réponds donc en vous faisant comprendre que la personne qui a fait descendre le Coran oui. sur le prophète, à travers son ange Gabriel, faisait venir, parce que ça, c'est un truc que si je veux vous expliquer ça, ça va un peu franchement difficile. Oui. Faisait venir des anges à des heures oui. pour prendre certaines choses. Oui. Donc, hormis ce que l'on est en train de faire, la sunna, on te dit dans la sunna que tel voyait dit que je vois le prophète faire telle chose. Oui. Et vous savez tous ce qu'un prophète est. Oui. Ce qu'un messager. On peut te dire de faire telle chose ou telle chose, oui. et on ne l'écrit pas. Ismaël. Mais un messager, je voudrais d'abord préciser, est-ce que vous êtes d'accord que tous les prophètes sont sans péché? Vous m'avez dit oui. Si vous êtes d'accord qu'un prophète, les messagers et les prophètes sont sans péché, ça veut dire que ce qu'un prophète fait, c'est de Dieu. Oui. À ce moment que vous me dites que c'est faux. Attends, ça veut dire que si, par exemple, si le prophète ne faisait pas ça, est-ce que ça fait que ça lui retient le péché? C'est-à-dire que si c'est, est-ce que c'est l'acte qu'il fait qui fait que qu'il n'ait plus de péché? Non, l'acte que le prophète fait, il vient déjà sans péché. Voilà. Donc finalement, ce n'est pas l'acte là qui va faire qu'il soit pardonné, n'est-ce pas? Voilà. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Il vient déjà sans péché. Ça fait donc que tout ce qu'il fait ne vient que de Dieu. En fait, voici le point central de ma question. Tous les prophètes depuis Abraham ont vécu jusqu'à Jésus. Je vais m'arrêter au niveau de Jésus et de Mohamed. Personne parmi les prophètes n'a réitéré l'acte d'Abraham. Pourquoi Mohamed l'a fait et pourquoi vous le faites alors que Mohamed n'a pas prescrit cela et Allah n'a pas prescrit cela? C'est ma question là-bas. Moi, je vous fais comprendre que tous les prophètes ont des revelations venant de Dieu. Si vous êtes d'accord là-bas, vous devez accepter que si tel prophète a fait, simple un peu dans votre Bible, oui. quand on dit par exemple que Jonas a peut-être fui. Oui. Pour aller ailleurs, oui. et que Dieu l'a ramené. Hein? Oui. Si on le disait, si là maintenant, là, quand Dieu l'a ramené, c'était pour qu'il aille faire. Arrivé maintenant, quand il a prêché, Dieu n'a pas détruit Ninive. Oui. Hein? Oui. Donc, est-ce que réellement dit, il y a une différence entre ce que Dieu lui dit à son prophète et ce qu'un prophète fait? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que Dieu dit à son prophète? En fait, je ne vois pas, jusque-là, je ne vois pas le rapport avec ma question, Ismaël. À moins que tu t'es éclairci. Ce que le prophète a fait, oui. c'est la part. Moi, je me dis et je sais que c'est parce que Dieu lui a demandé. Attends, maintenant, là, sur cette base-là, je vais poser une question en mettant ceci entre parenthèses. Avant que Mohamed ne commence à prier maintenant pour envoyer sa diriger la prière en direction de la Kaaba, il priait en quelle direction? Avant qu'il ne prie en direction de la Kaaba, oui. tous les prophètes de Dieu, même jusqu'à Daniel, oui. à Daniel qui priait en direction de la Jérusalem. Non, en fait, tous les prophètes vont toujours prier comme ça. Là. Je vais dire que Mohamed, lui, priait qu'où? Je dis donc alors que tous les prophètes, tous ceux qui ont prié en direction, la Mecque, c'est une ville où il y avait plus de 366 idoles. Oui. L'Arabie Saoudite. Donc, il y a 366. En tout cas, jusqu'à présent, qui n'a pas été détruit totalement. Moi, je vous conseille ça, mais je vous dis carrément que pour que quelqu'un dise qu'il adore une autre idole, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Oui, non, mais ils sont ridicules, n'est-ce pas? Avant que Mohamed. Il faut que tu nies qu'il y ait un seul Dieu. Oui, il dit, mon cher Ismaël, il s'en pose la question au niveau de ceci. Mohamed priait en quelle direction? Mohamed, l'Arabie était remplie des idoles. Non, non, je dis avant qu'il ne commence à prier à la direction de la Kaaba, mais maintenant, il priait en se prosternant en quelle direction? Nous savons tous qu'il priait en direction de la Jérusalem. Ok, maintenant, dans ce cas, je te pose la question. Pourquoi il n'y a pas une seule mention, pas un seul verset qui parle de Jérusalem dans le Coran? Je veux que tu m'expliques. Une seule mention qui parle de Jérusalem dans le Coran. Oui, que ça veut dire, pourquoi le mot Jérusalem ne figure nulle part dans le Coran, même pas une seule fois? Moi, je vais vous poser, je vais vous dire une chose. Ah, clairement, oui. en fonction de ce que vous êtes en train de poser comme question. Oui. Hein, est-ce que dans le Coran, oui. Quand vous regardez dans le Coran, oui. Vous voyez, par exemple, on vous dit, les gens de l'Arabie, étaient des adorateurs des idoles, des pierres. Oui, des adorateurs des idoles, des pierres. Mmh. Hein? Peu était-ce, parce que j'ai compris, vous avez dit, peu était-ce qui avait la croyance. Et en plus, même après ce que vous êtes en train de dire, Jésus, la majorité de ceux qui cherchaient à connaître même Jésus, priaient déjà sans direction. Sans direction, je suis d'accord avec toi. Et même Jésus, le Jésus ne priait pas avec la direction de Jérusalem. Écoutez, ce n'est pas mentionné comme ça. Non, même si Jésus, si ce n'est pas mentionné que Jésus ne priait pas avec la direction de Jérusalem, moi je vais vous poser une seule question. Pourquoi Jésus, pour prier, ne priait pas donc, quand il voulait faire ses requêtes, il ne restait pas une fois dans la maison? Daniel a prié en direction de Jérusalem, ça a été écrit. Oui, oui, ça c'est Daniel, longtemps, ça c'est longtemps. Nous sommes d'accord, c'est longtemps. Il dit, nous parlons Jésus et Mohamed. Jésus nulle part, il ne dit Jésus nulle part parce que lui-même il a dit à une femme samaritaine que vous dites qu'on a, parce que la femme samaritaine parlait de Jérusalem et de la Samarie, il a dit que leur vie ou les vrais adorateurs adoraient le Père en esprit. Donc, et en vérité. Voilà, donc il ne cherchait pas une direction, un lieu particulièrement. La question que je pose la question exprès. Mohamed étant prophète de Allah, servait Allah jusqu'à ce qu'il y ait une révélation qui prie maintenant en direction de la Kaaba, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi parmi dans toutes les révélations qu'il a eues dès le départ et qu'il priait en direction de Jérusalem, il n'y a pas eu une seule mention de Jérusalem? Non, il y a une conséquence par rapport à notre débat. Moi, je ne pense pas que Mohamed priait en direction de Jérusalem. Donc, tu ne crois pas ou tu ne penses pas, ou bien les écrits musulmans n'en disent pas? Je ne pense pas. Non, puisque les écrits ne le disent pas, je ne pense pas. Ok, dans ce cas, pourquoi donc ça va, le Coran va, pourquoi un verset, un sourate descend sur lui pour dire clairement la prescription qui change de direction? Si on lui demande de changer de direction, c'est parce qu'il priait à une autre direction, n'est-ce pas, mon cher Ismaël? Non, la prescription descend. Je vous ai fait comprendre une chose. Vous comprenez un peu? Oui. Le Coran descend progressivement. Il sait. Quand le Coran descend donc progressivement, on acceptait des gens qui avaient des gens qui étaient ivres même à la prière. Oui. Parce qu'au début, il fallait ramener les Arabes à l'unicité de Dieu. Oui. Après, on interdit même ceux qui sont déjà ivres à s'approcher de la salade, de la prière. C'est progressivement. Ce n'était pas une chose brute. Oui. Vous allez vous dire que non, c'est levé le matin, on a fait toutes choses, même tant le Seigneur Jésus que vous dites est venu, lui, est-ce qu'il est venu dire arrêtez de faire telle chose? Oui. Il n'a jamais rien arrêté. Déjà, même à ma connaissance, il n'a même jamais rien aboli. En fait, il n'a jamais rien aboli. Il est venu faire ce qu'il avait fait, apporter son message et quitter la scène. Voilà. Mais donc, ma question demeure, une fois de plus, ma question demeure. Pourquoi? Enfin, je retiens ce que tu as dit. Tu as dit que tu ne crois pas que Mohamed est juste. Et dans nos prochaines éditions, pour ces rencontres, et je crois que les musulmans ne seront pas d'accord avec toi de ce que tu dis, parce que tous vos écrits témoignent clairement qu'ils priaient en direction de Jérusalem. Sinon, pourquoi on appellerait votre direction comme une terre sainte d'islam? La question que je sens de poser, c'est pourquoi il n'y a pas une seule mention, même sans ces prières-là, pourquoi il n'y a pas une seule mention dans le Coran parlant de Jérusalem? Aucune mention. Pourquoi, selon toi? Quand par exemple, on appelle les gens du livre, sont les qui? Les gens du livre, ça peut être les chrétiens comme ça peut être les juifs. Et les juifs faisaient comment? Non, mais là, mais c'est du coup, là, que je veux dire, là, les chrétiens faisaient aussi comment? Vraiment, vous, j'ai dit, les juifs priaient comment? Moi, je ne comprends franchement pas comment, ce que vous êtes en train de vouloir même faire comprendre. Quand on se rencontrera, on va mettre tout ceci, toutes les questions que je t'ai posées, parce que tu m'as posé des questions que je dois te répondre. Je suis en train de te donner des titillés. Tu as dit que tu pourras me tenir. Je suis en train de dire ceci. Tu me poses la question que les juifs priaient comment? Nous nous trouvons au temps de Jésus et au temps de Mohamed. Et je viens de citer une parole de Jésus. Comme tu dis que tu aimes les paroles en rouge, où Jésus-Christ a dit clairement en annulant la façon juive de fonctionner, en disant que... Jésus n'a pas annulé. Attendez, avant que Jésus ne parte au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? On n'annule pas quelque chose et on pratique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Quand il a allé au jardin de Gethsémani, quand il a fait deux pas, il a fait quoi? Vraiment, on n'annule pas quelque chose mon et cher, on pratique. Mon cher, nous ne parlons pas de la même chose là. La prosternation, c'est l'acte de se mettre à genoux. Il a dit un temps viendra. Oui. Il a dit un temps. Il n'a pas dit que c'est venu. Attends, tu parles de Gethsémani, finalement tu parles de quel événement là maintenant? Vous avez dit qu'un temps, Jésus a dit à la femme samaritaine, un temps. Permets-moi de citer encore ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, femme, je vous te le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. À cet instant-là, ça annule tout le reste. D'accord mon cher? C'est dans Jean chapitre 4. Il dit, l'heure vient, il dit, crois-moi, oui, l'heure vient et elle est déjà venue. Ou ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera Dieu. C'est pas ça, frère? Je vous découvre. Voilà. L'heure est venue. Non. Dans 4 versets. Verset 24 et suivant. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue. Pas que ça va venir. Que elle est déjà venue. Déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Donc la question que ça nous pose, c'est, et la question subsiste, et il y a un pourquoi par rapport à ceci. Pourquoi au moins la Médina se mentionne dans le Coran, ce qui était un lieu païen en ce moment-là avec les idoles, comme tu as affirmé. Pourquoi Jérusalem, dont la Bible, depuis le livre de Moïse, où Dieu dit de façon exprès à Moïse que quand il va entrer dans le pays où Dieu le donne, il y aura un lieu où il va choisir pour y faire résider son nom. À partir de cet instant-là, il va agréer le temple de Salomon comme lieu pour faire résider son nom à Jérusalem. Pourquoi aucune mention, aucune trace de cela dans le Coran du même Dieu? Je dis, mon frère. Oui, Ismaël. Quand vous prenez le travail que le prophète est venu faire, oui, sur la terre, oui, quelle la mission du prophète était quoi? Quel prophète de quel? Mohammed. Mais tu as dit en citant Isla que Mohammed, que Allah a dit de lui qu'il est venu parachever et résumer, non? Et résumer. Oui, et amener à la perfection. En fait, parachever, il est venu amener à la perfection la religion, puisque les autres étaient corrompus. Voilà. La perfection et le dernier testament, parce que vous dites qu'il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas nous qui disons. Ce n'est pas nous qui disons. Dans le Coran, c'est dit Inji. Inji, ça veut dire quoi, mon cher? Non, voici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui est enfermé dans la Bible, non? Non, non, attends. Mais votre Coran parle de Injil, non? J'ai dit, hein? Oui. La Bible que vous tenez, elle a quoi à l'intérieur? Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Bon, et en fait, il y a trois parties. Il y a l'Ancien Testament, il y a la zone tampon, c'est-à-dire que l'Évangile, et puis il y a le Nouveau Testament. Ah, il y a le... Bon, et donc ça veut dire que maintenant... Si peut-être que quelques années, on va maintenant encore sortir un autre secteur où on va appeler zone tampon. Non, il dit, c'est écrit clairement, c'est Matthieu, Marc, Luc, ce n'est pas le Nouveau Testament, oui. Ça. Continuons. Tu voulais dire quoi en parlant donc, ainsi? Quand je dis donc qu'il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, oui. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant, moi personnellement, que j'appelle le Dernier Testament? Ok, le Coran est le Dernier Testament. C'est le Dernier Testament. Mm-hmm. Ce qui fait que je vous dis encore et je vais continuer à vous le dire. Je dis, la Bible que vous avez en main, oui, est en partie la parole de Dieu. Non, non, ça, tu l'as affirmé et plus de musulmans le disent. Non, je veux prendre j'arrive jusqu'à un niveau, est en partie la parole de Dieu, oui, la parole des hommes, oui, et les adjuges, tout, oui, ce qu'on est en train de faire, tout. Oui. Maintenant, le Coran est venu, est la synthèse. Oui. Ça veut dire que que tu peux lire dans la Bible et que tu n'arrives pas à comprendre, oui, tu peux venir dans le Coran, tu peux on lit, on comprend. Ce que tu vas trouver écrit peut-être là, comme par exemple, je prends toujours ces exemples terre à terre. Oui. Quel est le péché que Satan a commis avant de descendre sur la terre? Dans la Bible, personne ne pourra jamais me donner la réponse. Oui. Dans le Coran, c'est mentionné. Tu sauras ce que Satan a fait avant d'être réfugié sur la terre. Oui. La même chose. Oui. Quand, par exemple, tu viendras me dire que Dieu, lui, se repent, dans le Coran, on te dira... On va causer de tout ça, Ismaël. On va causer de tout ça. Quand, le problème, c'est aussi au niveau de Jérusalem. Parce que vous êtes en train de poser... Moi, je ne veux... Ça, c'est la science. Moi, je veux parler du Coran et de la Bible. Oui, mais c'est de ça qu'on a parlé, non? tout ce que vous êtes en train de dire, pourquoi ce n'est pas écrit, pourquoi ce n'est pas ceci, ce qui est donc écrit, parlons-en. Ok. Oui, et là maintenant, nous nous retrouvons donc maintenant avec ce qui est écrit, mm-hmm. et nous comparaisons maintenant ce qui est écrit et ce qui comment nous la comprenons. Oui. Ok, maintenant, parce que nous n'allons pas aller jusqu'à demander à Dieu pourquoi tu as fait descendre le Coran, pourquoi tu as fait descendre la Bible. Oui. Quand je dis que la Bible est à partir de la parole des hommes et la parole de Dieu, mm-hmm. c'est parce que. Mais je comprends que la question de Jérusalem dérange déjà, parce que j'en ai causé et non, je sais que ça dérange. Non, je n'ai même pas à répondre à cette question. Pourquoi il est écrit dans la Bible? Je pourrais vous poser que pourquoi Mohamed est écrit dans la Bible et vous ne l'avez pas, vous ne croyez pas. Je te donnerai la réponse. Je pourrais vous poser cette question. Non, si vous me posez la question, je te donnerai la réponse, ne t'inquiète pas. Voilà, je pourrais vous poser la question que pourquoi vous dites que vous croyez en un seul Dieu et vous avez des... Je te répondrai. Si tu poses toutes ces questions, je te répondrai. Mais je pose des questions qui sont claires. Mm-hmm. Je ne pose pas des questions où il faudrait aller, que vous pouvez trouver dans la Bible. Bon, ok. En fait, la question qui se cache derrière Jérusalem, c'est que est-ce que Dieu a déplacé l'objet, le centre de son affection, comme les Abos, Esaïe et tous les autres prophètes ont parlé en tant que Jérusalem? Est-ce qu'il a déplacé à Médine? Vous demandez s'il a déplacé oui. la croyance de oui. Jérusalem pour l'envoyer à Médine? Oui. Moi, je vous dirais plutôt que ce n'est pas le déplacement, c'est le fait du refus des Israélites de croire en Dieu oui. qui a fait en sorte que même Jésus leur a dit, on va vous enlever ceci et on va donner à une nation plus petite que vous et produiront des fruits. Non, pas enlever la capitale, pas enlever ce que Dieu a dit, c'est autre chose. Ah, c'est autre ministère. Je ne sais pas. Le ministère je est différent de ce que ça allait dire. Dieu peut enlever tout pour quelqu'un. Vous pouvez dire que. Comment vous dites que c'est seulement telle chose? Il pouvait tout enlever. Et en plus, même dans l'Apocalypse, oui. quand il dit que non, quand maintenant dans l'Apocalypse, quand lui va maintenant dire que lui, il va mal, faites de telles choses à tout mener toucher. Laissez ceux qui ont le sceau. Oui. Est-ce que tu crois que cela est la parole de Dieu, Ismaël? Parce qu'il ne faut pas que la prochaine fois j'utilise ce verset, tu dis que ce n'est pas inspiré. Ce que tu viens de citer là, il ne touchait pas ceux qui ont le sceau, ceux dont on a mis les sceaux sur eux là. Est-ce que tu crois oui. que c'est vrai, c'est la parole de Dieu? Concernant ça. Oui, mais c'est toi qui viens de citer ça, il pose la question. Tu crois que c'est révélé par Dieu? C'est révélé par Dieu. Ok. Donc, ça veut dire que tu crois donc que le livre d'Apocalypse est révélé par Dieu. Voilà, vous avez bien posé la question. Quand j'ai dit que Dieu ne se repent pas dans la Genèse, pourquoi vous n'avez pas demandé si on annulait Genèse? Non. J'ai posé la question exprès ici. Pourquoi vous n'avez pas demandé? Non, vous avez bien posé votre question. Ça veut dire, pourquoi vous dites maintenant que pourquoi quelqu'un vous dit au début qu'il y a des paroles des hommes oui. qui sont confiées? Je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez une chose, ce que nous croyons dans la Bible, oui. c'est ce qui est écrit dans le Coran. Oui, ok. Donc ça veut dire que c'est quand c'est écrit dans le Coran que vous croyez. Enfin, si oui. ça veut dire que si c'est écrit dans la Bible, si c'est écrit dans le Coran, vous croyez. Oui, qui va dans ce sens, nous croyons. Mm-hmm. Bon, est-ce que tu peux me montrer un verset coranique qui dit que Mohamed est écrit dans la Bible? Un verset coranique qui dit oui, que oui. Mohamed est écrit dans la Bible. Oui. Un verset coranique dans la Bible qui montre non, que. Suis attentivement, tu es dans ma question. Dans le Coran, tu montres que Mohamed est écrit dans la Bible. Non, oui, voilà, il veut que tu me donnes dans le Coran où Allah a dit de Mohamed qu'il est mentionné dans la Bible qui a été donnée aux Juifs. Il y en a un. Il y a des versets. Je veux que tu me donnes un seulement. Il y a le verset. Qui montre que quand vous dites qui dit que Mohamed non suis attentivement mon cher Ismaël, la question que je me posais c'est ceci, n'est-ce pas? Oui. Tu as dit que vous les musulmans, c'est ce qui est mentionné dans le Coran et que ça se trouve dans la Bible que vous croyez, c'est là où vous arrivez effectivement à la région. Il va dans le sens. Est-ce que oui. dans le Coran tu peux me montrer un verset qui dit que dans la Bible se trouve Mohamed mentionné? Demandez-moi plutôt si dans la Bible il y a un verset qui montre. Non, je ne poserai pas la question de cette côté-là. Non, parce que je vais vous poser, je vous réponds comme ça, pourquoi? Parce que déjà, il ne fallait plus. Il ne fallait, quand on dit déjà, quand le Dieu descend derrière le verset qui dit, il vient te poser cette question. Oui. Quelle est la question qu'il posait? Bonne question. Réponds. Non, quelles sont les questions que les gens venaient poser à Mohamed? Il posait des questions par rapport à sa compréhension aux choses de Dieu et à sa nouvelle révélation qu'il amenait. Par rapport même aussi à ce qu'il dit qu'il était un prophète, pourquoi c'est pas écrit dans la Bible? Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre ça dans les questions qu'on lui posait? Non, puisque c'est une parenthèse. Tu as dit qu'on discute ce qui est écrit, mon cher. Il prend ton principe. Tu as dit tout à l'heure, quand il parlait de l'islam, de Jérusalem, tu as dit qu'on pose des questions écrites. Si tu me dis que, toi tu me dis donc alors qu'on discute ce qui est écrit, est-ce que donc c'est écrit? La question que tu poses là, est-ce que on peut trouver cette réponse là à l'intérieur, à part dans la question que les gens venaient lui poser? Non, parce que tu as dit que nous croyons, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est ce qui est mentionné dans la Bible. Mais il y a une croyance maudite, qu'est-ce que vous soutenez aujourd'hui, que c'est pour dire que Mohamed est mentionné dans la Bible, et vous vous tuez en prenant les différents versets pour expliquer. Est-ce que dans le Coran, on a fait trace de cela? Je pose une question, je dis clairement. Oui. Si déjà on vient poser des questions au prophète, oui. Et que tu fais descendre que tout ce qu'il vous te pose comme question là, oui. Ils savent que ça existe dans la Bible. Ils ont ça, le livre avec eux, ils savent. Oui. Ils veulent seulement t'éprouver. Oui. Est-ce que ce n'est pas déjà, pourquoi vous ne pouvez pas prendre cette question et mettre ça dans cela? Je ne peux pas prendre, et pour de peur d'ajouter quoi que ce soit, ma Bible m'interdit d'ajouter ce que Dieu a dit et d'ajouter ce que Dieu a dit. Mais franchement, ta Bible, c'est moi qui ai mis 78 livres et enlevé 66. Non, je vais te dire, une fois de plus, même si là on va parler. Ismaël. Non, je pose une question, vous avez dit votre Bible vous interdit cela. Oui. C'est moi donc qui ai mis 66 livres et 78 livres. Non, c'est pas toi, Ismaël, c'est pas voilà. Toi. Voilà, ça veut donc dire que si la Bible t'interdit d'ajouter et de reculer quelque chose dans la parole de Dieu, oui. Ça ne pourrait pas. Qu'est-ce que dans 10 secondes 1910, on met Samuel était âgé de point. Oui. Saül était âgé de point. Voilà. Très bien. Ismaël. Et dans un autre, on me donne l'âge de Saül. Oui. Ismaël. Qui a ajouté? Ismaël. Oui, je vous dis. Ismaël, je dis qu'on aura de bons moments de partage. Mais je vais te dire quelque chose. Uh-huh. Tu sais. Je peux parler? Oui, je vous écoute. Ok. Yusson nous l'a dit que cette chose-ci, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ce qui est amusant, c'est que toi et moi, nous savons que le Coran dit que la parole d'Allah ne peut pas être altérée. Hein? Ce qui est amusant, c'est que toi et moi, nous savons que le Coran dit clairement, de façon explicite, que Allah, sa parole ne peut pas être altérée. N'est-ce pas? La parole est. Allô, tu m'entends maintenant? Oui, voilà, je vous écoute. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Oui. Il dit ce qui est amusant, c'est que toi et moi, nous savons que dans le Coran, c'est écrit de façon claire que la parole d'Allah ne peut pas être altérée, n'est-ce pas? Oui. Ni. Comment? Altérée, ni. Ni changer. Ni corrompre. On ne peut pas corrompre sa parole. Ni changer, oui. Voilà. Ne peut pas être altérée, ni changer. À partir de quel instant ce décret d'Allah sort, après, à partir du Coran ou bien dans toutes les paroles d'Allah? Oui. Bon, moi je veux vous dire alors, quand toutes ces questions que vous êtes en train de poser, mon frère, mm-hmm. Oui. C'est seulement pour mettre les jalons, hein, c'est pas pour mettre les jalons. On n'est pas encore. Non, on n'a pas commencé. Moi je comprends, franchement, je me pose une autre question. Oui. Parce que je dis encore et je vais me répéter. Oui. Parce que je dis, si le Coran dit. Oui. Que Jésus est un Messie. Oui. Israël. Oui. Je dis Amen. Oui. Si le Coran dit Dieu a fait descendre sur Abraham, oui. Quelle chose? Oui. Sur Moïse, sur David, sur Jésus, oui. sur Mohamed, je dis Amen. Maintenant, à toi de me dire d'aller te chercher telle chose dans le Coran. Tout ce que tu poses comme question se trouve dans le Coran carrément. Ok. En fait, ce que je vais poser comme question, c'est ceci. Si la parole d'Allah ne peut pas être altérée, pourquoi la Bible a été altérée? La parole qui a été donnée aux Juifs a été altérée. Parce que même Dieu là, entre guillemets. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est le noble Coran qui dit. C'est pour ça qu'il te pose la question. Oui. Allah s'est-il trompé donc, au préalable? Il s'est trompé? Oui. Quand il donnait la Bible? Non, suis attentivement, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit que quand il faisait des temps, il s'est trompé. C'est ça que vous voulez. savoir, non? Est-ce qu'il était incapable de garder les autres 20 livres qu'il a fait descendre avant le Mohammed? Ah, vous avez bien posé la question là. Est-ce que Allah était incapable de garder les autres livres avant ce qu'il a demandé? Oui. Je dis, vous avez déjà lu l'encyclopédie catholique? Oui, j'ai lu. Vous avez vu comment on écrit un chapitre dans la Bible, comment on l'enlevait, comment on décidait pour un chapitre dans la Bible où qu'il devait exister ou qu'il devait pas exister? Oui. Dans l'encyclopédie? Oui, j'ai lu. Est-ce que ça là, peut-être qu'on peut déjà décider si un livre, c'est comme si c'était un ordinateur à quoi on devait faire les remises à jour. Oui. Est-ce que les remises à jour d'un livre saint fait partie de la volonté de Dieu? C'est d'où je pose la question. Tout à l'heure, tu as lu Genèse, n'est-ce pas? La Bible, c'est la Bible qu'on m'avait donnée, que j'ai en main, oui, que j'utilise. Oui. On me dit comment. En fait, il y a les introductions de ce livre-là. Ismaël, suis bien ma question. Je passe sur une fondation. Donc, je vous pose une question. Est-ce que ça, là, ce que j'ai à main, oui, c'est comme par exemple là. Oui. Nous prenons par exemple la Genèse. Oui. Qui nous raconte comment le monde a été créé. Oui. Est-ce que vous savez que la traduction d'un texte finit par avoir toujours des fautes? Est-ce que vous pouvez reconnaître d'abord que la traduction d'un texte dans une autre c'est-à-dire que les Corans traduits en anglais, en français, en d'autres langues ont des fautes? En français, il y a des mots que dans non, c'est-à-dire ce que tu en as de me dire, c'est que même les Corans traduits en français. En français, oui, j'ai dit même en français. Ok. Il y a des mots qui ne sont pas fausses. C'est la raison que tu, aucun Coran que tu voudras traduire, oui, tu ne verras pas la version arabe, tu verras la version arabe. Oui. Pourquoi la version arabe auprès de cette tradition? Oui. Pour que si déjà tu n'arrives pas à te retrouver, oui, dans le mot qui est fait, tu retrouves. Moi j'ai au moins que trois Corans. Oui. En arabe, il n'y a pas une différence, mais en français, il y a un endroit où on dit souverain, il y a un endroit où on dit Dieu. Oui. Mais c'est souverain et on dit Dieu. Oui. Bon, et l'écriture hébraïque, tu en as vu combien de différences? L'écriture hébraïque. L'écriture hébraïque? Oui, l'écriture, l'original de la Bible, de l'Ancien Testament. Mais vous allez me surprendre, hein? Oui. Vous dites que dans l'écriture hébraïque, mais quand vous, c'est pour cette raison que j'ai posé une question. Je ne parle pas des différentes transcriptions. Vous avez lu attentivement. On vous explique dans ces choses-là que la version, on a pris la Bible, on l'a traduite d'abord en grec. La version, la Septante, la version grecque, ainsi de suite. La question que je vais poser, c'est... En version latine, oui, avant de la traduire maintenant en français. C'est et vous venez me demander la version hébraïque. Oui. Mon cher Ismaël, oui, je te pose la question parce que tu es un exégète dans des religions comparées. Tu dois entrer dans les profondeurs de ces choses-ci. Tu comprends? Non, quand déjà on me fait comprendre, écoutez, oui, quand on me fait comprendre que ce que je suis en train de lire, oui, est passé par quatre traditions, oui, hein, oui, et que c'est pour cette raison que j'ai demandé, est-ce que vous avez la Jérusalem? Est-ce que vous lisez l'introduction de la Jérusalem? Mon cher, Ismaël, je te dis, je te comprends. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a traduit, par exemple, en plusieurs langues, en quatre langues, mais arrivé dans le verset où il y avait le prophète Mohammed, ils ont omis de faire des erreurs. Non, peut-être. Je ne peux même pas parler du prophète Mohammed là-dedans. Non, suis attentivement. Mohammed. Je parle même seulement du fait que. Parce que je vais vous prendre un exemple. Vous avez déjà lu la Jérusalem, vous avez lu la Torah, n'est-ce pas, non? Il y a lu la Torah. Vous avez ces livres. Oui. Allez voir comment on appelle Barnabas. Non, je te comprends très attentivement. Comment on appelle Barnabas dans Torah? Je te comprends très attentivement. On appelle Jésus Barnabas. Mm-hmm. Je te comprends. Non, il y a Jésus Barnabas. Il y a Bar Jésus, mon cher. Suis attentivement. Il y a Jésus Barnabas. On appelle Barnabas Jésus. Oui. Si vous voulez, je vous donne le verset dans la Torah. Je connais, mon cher. C'est l'autre nom de ce monsieur dont on a appelé. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Suis-moi. Oui, c'est juste que je dis donc, quand des gens ont réussi, donc c'est son nom. Non, suis donc ma question. C'est effectivement tout ce que tu en as dit là, c'est d'outil ma question. Je veux que tu écoutes très attentivement, d'accord? Allô? Mais là, vous devez, oui, normalement, là, vous devez conclure que ce sont les traductions, les révisions, oui. les révisions qui sont arrivées à ce que nous venons trouver, ce que nous sommes en train de trouver maintenant dans le Bible. D'où ma question, justement. Donc, tu poses bien, d'où ma question. Il peut la poser maintenant. Oui. Donc, nous admettons que ces révisions, ces traductions sont allées à partir d'un texte originaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où il y a eu des textes originaux, n'est-ce pas? Oui. Le Coran me dit que Allah, la parole d'Allah ne peut pas être altérée, n'est-ce pas? Donc, les hommes, finalement, étaient plus puissants qu'Allah au point de traduire et de transcrire la parole d'Allah au point où c'est disparu, au point où c'est le faux maintenant qui existe sur la scène et qu'il n'y a pas de traduction. C'est très vrai. Je vous pose cette question-là maintenant, vous me répondez aussi. Allah dit que sa parole ne peut être changée. Oui, hein? Oui. Allah le dit encore dans le noble Coran. Hein? Oui. C'est moi qui ai fait descendre le Coran. Oui. Moi, Allah, qui ai fait descendre le Coran. Oui. Et qui en suit le gardien. Oui. Hein? Oui. Je te mets donc à défi. Montre-moi là où Dieu a dit, j'ai fait descendre la Bible. Qu'il a fait? Descendre la Bible pour en être le gardien. Mais non, non, il n'a pas besoin de dire la même chose comme ça. Non, montre-moi dans ta Bible d'abord. Là où il a dit carrément avec sa bouche que dit à travers son messager que c'est moi qui ai fait descendre la Bible et j'en suis gardien. Reçu attentivement. Ce que tu en as appelé Coran, le Coran, ce n'est pas le livre. Coran, à l'origine, veut dire récit, n'est-ce pas? Lecture, n'est-ce pas? Non, le Coran existe dans la Bible. Non, dans non. Le Coran. Non, non. Le Coran existe dans le Coran. Non, même Bible existe dans la Bible. Suis attentivement. Non, pas dans la Bible. J'ai dit Coran sort de la Coran. Oui, oui, oui. Suis attentivement, donc. Mais de la même symbologie, la façon dont tu vas définir comme ça, la Bible sort aussi de la Bible. Parce que Bible vient du mot biblia qui veut dire les livres. Tu as compris? Ah, j'ai dit, c'est ça que je dis donc, alors que montre-moi là où Dieu a dit, c'est moi qui ai fait descendre les livres et j'en suis le garant. Non, mais c'est toi qui as dit dans le Coran qu'il a fait descendre les abous, non? C'est pour cette raison que. Attends, mon cher. Je ne sais pas si une chose et son contraire. Le Coran dit clairement que c'est Dieu qui a fait descendre les abous, non? Le zabou, oui. Mais comment tu veux quand tu me dis encore que je monte là où il a dit qu'il a fait descendre le zabou? Non, en interprétation, le zabou, c'est quoi? Les psaumes. Ah, et l'Injil. Et l'Injil, l'Évangile. C'est quoi? L'Évangile. Oui. Quel Évangile? Non, mais j'arrive, je veux que tu me montres parce que c'est Allah qui non, a dit cela. Quel Évangile? Je veux savoir l'Évangile qu'il a fait descendre. La parole que Jésus est venu avec, qu'il a fait descendre sur Jésus. Et maintenant, pour Paul, là, qui est venu avec? Ça, c'est autre chose, ça, c'est un autre débat. Non, je veux savoir, puisque tu m'as dit de poser, tu veux poser, je veux savoir pour Paul qui est venu avec. Non, non, Ismaël. Non, je reviens derrière, parce que tu as dit que c'est, tu as bien répondu, tu as dit que les abous et tout, les filles d'Abraham. Ismaël. Je veux poser, oui. Ismaël, en fait, tu ne réponds pas à ma question. On va s'asseoir face à face, on va causer. Suis attentivement ma question. Ma question va depuis le début. J'ai dit, Allah dit dans le Coran qu'on ne peut pas changer sa parole, on ne peut pas changer. Et comme tu viens de citer encore, qu'il garde sa parole, n'est-ce pas, la parole d'Allah. Oui. Il a donc fait, j'ai dit donc que tu as dit les transcriptions. Avant de dire qu'il garde sa parole, il dit que c'est lui qui a fait d'abord descendre le Coran. Il ne dit pas ce n'est pas seulement, avant de dire qu'il a fait descendre le Coran, il a fait descendre le Zabou, non, descendre le livre sur Moïse et tout, sur les autres prophètes, non. Écoutez, oui. Écoutez bien. Hein? Oui. Il dit, ô homme du livre, oui. Pourquoi avez-vous mélangé le vrai du faux? Le faux avec le vrai. Hein? Dans le même Coran, il demande pourquoi les gens ont mélangé le vrai du faux, le faux du vrai. Dans le livre, dans les livres qu'il a donné, mon cher, est-ce que c'est du livre qu'il a donné qu'il en a parlé? Je ne sais pas. Ne parle pas comme quelqu'un quand tu comme ne me prends pas comme quelqu'un qui ne lit pas le Coran. Tu sais très bien attentivement que Allah ne parle pas des livres là parce que il ne peut pas dire une chose et son contraire, n'est-ce pas mon cher? Ah bon, je te pose une question. Quand toi tu viens alors maintenant me poser les questions dans ton tabou, oui. Vous que tu as dit le somme. Oui. Hein? Est-ce qu'il est mal dit dedans? Non. Qu'est-ce qui est mal dit dans ces sommes? Non, je ne trouve rien qui est mal dit. C'est toi qui trouves certaines choses qui sont mal dites. Non, depuis que dans ces sommes, qu'est-ce qui est mal dit? Il ne trouve rien qui est mal dit, par exemple. Dans les sommes. Oui, il ne trouve rien. Dans la Torah, qui sont vos 5 livres que vous êtes en train de dire là. Non, mais attends, s'il te plaît. Mais la Torah, là, c'est mentionné dans ton Coran. Votre Coran parle de quelle Torah et de quel Zabou et de quel Injil. Je veux que toi, tu m'expliques maintenant. L'Injil de de Jésus. C'est où? Moi, je ne vois pas l'Église de Jésus. C'est où? Je ne vois pas ça. Dieu dit qu'il y a ça, je crois. Ok, ok, ok. Les Zabou, c'est où? Dieu dit qu'il y a les Zabou, je crois. La Torah, c'est où? Dieu dit qu'il y a la Torah, je crois. Donc, attends, il faut que je comprenne pour que la prochaine fois qu'on va bien parler, qu'on se comprenne bien. Donc, en fait, ton problème, c'est que si on dit que voilà la Torah, tu crois ou bien c'est parce que Dieu a dit. Parce que Allah a dit. Parce que quand Dieu dit que j'ai fait descendre la croix, j'ai fait descendre l'Indie, j'ai fait descendre l'amour, oui. J'ai fait descendre le Coran. Oui. Et maintenant, dans le même Coran, il me parle de Moïse. Il me parle de David. Oui. Il me parle de Jésus. Oui. Il me parle d'Abraham. Oui. Mais tout ça dépend. Qu'est-ce que j'ai besoin donc maintenant de venir prendre, chercher la croix de David, de Moïse et venir prendre la Bible et la lire. Donc en clair, la Bible, donc, si je comprends très attentivement, tu n'as pas besoin des Zabou, ni d'Injil, ni de Torah. Et tout ça se trouve dans le Coran. Donc, est-ce que tout ce que on cite de la Torah, Injil et autres se trouve dans le Nouveau Coran. Ça se trouve dans le Coran. Donc est-ce que tu ne connais pas que Moïse parle de Moïse devant Pharaon si, dans le Coran? Si on parle de cette même chose dans un livre d'histoire, ça fait que le livre d'histoire soit la Bible. Si on parle de la même chose dans le livre d'histoire. Parce que l'histoire aussi parle de Pharaon et de Moïse, qui ne se trouve pas dans la Torah ni dans le Saint Coran. Et dans ce cas, est-ce qu'on va considérer ce livre-là comme un livre saint parce qu'il donne le renseignement là? Qui donne le renseignement en fonction de quoi? En fonction de quoi? Tu dis que le Coran parle de l'histoire de Pharaon, de l'histoire de Moïse, parce que et on veut tout ça dans la Bible. Est-ce qu'on n'apprend pas ça dans les étapes? Est-ce qu'on n'apprend pas ça dans les classes, dans les étapes? D'où ma question justement. Oui. Il faut d'abord que quand tu veux un livre, tu donnes ta source. Oui. Ils vont on peut faire les recherches, comme par exemple le cas de Himram, le cas de Himram dont les musulmans parlent et qu'on a trouvé ça dans les recherches. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'elle a dit Miriam, c'était la sœur de. Non, il ne parle pas de Miriam, je parle de Himram. Himram, le monsieur Himram qui coupait le bois pour Salomon et autres, là, qui marchait avec Moïse, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est ça dont il parle, les musulmans. On va toucher des choses. La question que je viens de poser, suis attentivement. Ton Coran donne le renseignement sur le Zabou. La Torah, l'Injil. Tu dis que c'est seulement le renseignement que tu crois, tu ne cherches pas à comprendre ce qui est écrit dans le livre, mon cher. Le Coran me dit que j'ai fait descendre ça. Oui. Et il me parle de Youssouf en captivité. Oui. Youssouf vendu par tes frères. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es encore venu, apprendre. Mais le problème, c'est que ton Coran te dit de croire à ce qui est écrit là, dans ce livre-là, non? Je crois en cela. Oui. Et le Coran dit même de Mohammed que s'il a des doutes, qu'il demande à ceux qui ont reçu le livre avant lui. Voilà. Si tu as le doute, oui, de ce que je suis en train de te dire, oui, parce que moi, dans ton livre, c'est pour cette raison que j'ai précisé en te parlant de synthèse. Oui. Synthèse, pourquoi? Parce que tout ce que quand tu vas faire une synthèse, tu ne manqueras pas de mettre ce que toi, tu as déjà mis dans un livre. Oui. Tu as donné 10 choses aux gens, oui, et quand tu demandes de faire une synthèse, tu prendras chacun de ces choses à mettre dans ton livre. Oui. Voilà. Ok. Regarde. Quand on dit à Moïse, si tu allais. Oui. Ce que je suis prêt à dire là, c'est ça. Parce que je te dis que Abraham a fait comme ça, Moïse a fait comme ça. Si tu as le doute, demande à ceux qui ont lu le livre avant toi. Parce que là, ils connaissent ça. Même comme ils disent avant toi, là, ils font comme s'ils ne connaissent pas. Très bien. Ils connaissent. Très bien. Donc, mon cher, suis attentivement. Ça veut dire que Allah envoie et renvoie Mohammed, votre prophète, dans le Zabou, dans la Torah, dans l'Injil. Renvoyer? Oui, puisque dans ces paroles-là, il a dit le renvoyer à consulter cela pour vérifier l'authenticité de sa foi. Si tu es clair, il dit que ce que je te dis là, oui, on l'a déjà dit, c'est comme tu viens de dire à l'enfant par exemple que dehors là il y a des mauvaises choses. Oui. Et que l'enfant, tu as déjà dit à l'enfant que là dehors il y a des mauvaises choses. L'enfant maintenant, tous enfants entrent. Oui. Et que qui sort du dehors. Oui. Et tu dis maintenant à ton enfant que si tu connais que si le vrai s'il y a des mauvaises choses dehors là, demande à cet enfant-ci. Oui. Il te dit que lui, il y a les mauvaises choses. Est-ce que dans le réellement dit Moïse n'a pas existé. Suis attentivement Ismaël. Allah, par cette phrase-là du Coran, renvoie Mohamed de vérifier l'authenticité de sa foi chez ceux qui ont reçu le livre avant lui, n'est-ce pas? Vérifier l'authenticité de certaines choses qu'il a reçues. Il envoie que si tu as le. Si tu es dans quand on doute, c'est parce qu'on ne croit pas, on ne tient pas ferme sur ce qu'on a reçu. Il n'a pas dit que tu doutes. Il n'a pas dit que tu doutes. Il a dit si tu as le doute. Si. Voilà. Si. Donc, ça veut dire que comme c'est un prophète de Dieu qui a accepté Dieu. Oui. Là, Dieu n'a pas dit, va demander, il a dit si. Donc, ça veut dire que Dieu ouvre quand même les perspectives. Non, suis attentivement. Dieu ne peut pas envoyer Mohamed aller quelque part qui est pas bon. Il n'a pas envoyé. Attends. Si tu es dans le but. Oui. N'est-ce pas l'islam dit que Mohamed c'est le modèle musulman? Le modèle musulman. Ça veut dire que comme c'est écrit dans le Coran, ça veut dire que même aujourd'hui, si le musulman le doute, il doit suivre même. Je veux d'abord savoir si vous êtes d'accord que Dieu ne l'a pas envoyé. Non, jusque-là, il faut qu'on épilogue. Et quand on va se rencontrer, on va ouvrir ce verset. Je veux d'abord que vous me dites si vous êtes d'accord que Dieu ne l'a pas envoyé. Envoyé où? Par rapport à cela? Je lui demander. Non, suis attentivement, je vais encore citer. C'est pour ça que j'en ai dit que quand on va se rencontrer, on va ouvrir le verset. On va mettre au-devant de nous, on va lire, même dans tout le contexte. Je suis en train de dire ceci. Quand Allah dit à Mohamed que si tu as le doute par rapport à ce qui est descendu sur toi, par rapport aux récitations que tu as reçues là, prends le renseignement, demande à ceux qui ont été avant toi, qui ont reçu le livre avant toi, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui est écrit. Ok, voici la question qui se cache derrière que je voulais te poser. C'est que, est-ce que Allah pouvait envoyer Mohamed consulter quelque chose qu'il savait déjà être altéré et puis faux? Qu'est-ce que je vous dis au début? Je vous dis que dans la parole de Dieu, oui. Il y a la parole de Dieu. Oui. Pourquoi donc, je veux vous poser une question. Oui. Quand, par exemple, nous sommes hommes. Oui. On dit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Nous sommes tous d'accord. Oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord dans ce sens-là. Mohamed ne trouvait pas d'objection puisque ce livre a été écrit avant Mohamed. Écoutez, c'est la façon dont on la comprend qui est différente. Ce n'est pas l'écriture qui est différente. C'est pour ces raisons que j'ai dit je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que la manière dont le rempli des fils va comprendre, ce n'est pas la même manière dont l'intelligence et le discernement peuvent faire comprendre quelqu'un. Mais d'abord, tu admets que dans l'original, c'est écrit comme ça. Ce que tu viens de citer là, que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Tu admets que c'est écrit comme ça à l'origine? Je dis, on a écrit dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, j'ai dit. Maintenant, c'est normal, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est clair que je dis non. Ok. Mais de quelle manière? Parce que l'homme dit, Dieu a les mains, Dieu a la bouche, Dieu a les yeux. Non, ça c'est autre chose. Là, tu es en train d'extrapoler au niveau des choses, de ce que les gens disent. Non, restons sur les écritures. Je vais te poser une question. Oui. Quand tu dis Seigneur, oui. Ta main n'est pas courte pour me joindre. Comment? Quand tu pries, tu dis à Dieu, ta main n'est pas courte pour me joindre. Mais c'est dans le Zabou dont ton Coran parle. Hein? C'est dans le Zabou dont ton Coran a parlé. C'est ça que je demande. C'est dans la compréhension maintenant qu'on ne se comprend pas. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que la compréhension ne fait pas que le texte soit fausse. Il faut donc expliquer la compréhension. Laissons au niveau de compréhension. C'est ça que je vais donc expliquer que clairement, ce que moi j'ai voulu faire avec vous, je n'étais pas venu demander les hommes est créés en quelle année, les hommes est venu quand, les hommes ont fait ceci, cela quand. Ça, ce sont des choses que je ne sais plus. Ce que je veux connaître, oui. Ce que je veux que tu comprennes, ce sont des termes que tu as adoptés. Oui. Tu as pris des termes, tu as dit par exemple que l'islam, le Coran, la Bible, le Coran ne trompe pas sur la Bible, tu as pris des termes. Non, je vais dire ce qu'il dit. J'ai dit que. J'ai parlé de la. Non, j'ai dit que ce sont des thèmes des émissions qu'on y va traiter et je vais les traiter justement. Tu as cité, j'ai parlé de Dieu derrière le Coran, Coran avec la violence. Moi personnellement, oui. Quand je parle en religion comparée, oui. Je prends la Bible, je prends le Coran. Oui. Hein? Oui. Je demande clairement, il y a des questions qui sont palpables. Oui. comme le salut. Oui. Parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est pour chercher quoi? Le salut. Oui. Tout ce que tu fais là, je ne sais pas si c'était pour montrer quelque chose. Moi, ce que je cherche, c'est le salut. Oui. Et par où je vais passer pour avoir mon salut. Oui. À toi de me convaincre que mon frère, voici comment tu peux avoir ton salut. Mmh. Voici comment tu peux aller au paradis. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est un peu de l'histoire. Oui. Et l'histoire réellement dit comme ce que tu es en train de dire là. Mais tu sais que et lorsqu'on réécrit l'histoire, on est en même de toujours falsifier quand même, n'est-ce pas? Quand on veut réécrire l'histoire, on va toujours modifier. Quand on veut réécrire l'histoire, on va modifier. On modifie toujours. Oui. C'est pour cette raison que j'ai demandé une seule chose. Oui. Est-ce que dans les 114 sourates, oui, dans le noble Coran, oui, est-ce que depuis qu'on réécrit ce Coran en français, en anglais, dans toutes les langues, c'est arrivé à 110, c'est arrivé à 115? Je ne pense pas. Oui. C'est du livre saint. Des livres saints. Oui. Et des livres révélés. Oui. Donc moi, je veux parler. Oui. Je ne veux pas parler des histoires, des livres révélés. Parce que je t'ai posé une question. Est-ce que tu as lu l'encyclopédie? Si je voulais me baser de ce que tu es en train de dire, j'aurais arrêté de suivre mes recherches. Parce que l'encyclopédie me clarifie clairement comment le livre saint s'y arrive là. Constantin me dit comment lui l'a fait pour enlever tel et mettre tel. Oui. Donc moi, si c'était pour seulement me baser sur ce temps-là, moi je serais resté déjà depuis. Tu ne pouvais pas rester là parce que tu dois continuer ta recherche jusqu'à arriver à ce que le Coran t'ait dit, mon cher Ismaël. Et c'est pour ça qu'il te pose encore la question. Regarde, je te pose la question. Le Coran dit que tu dois croire aux livres qui sont descendus avant toi, n'est-ce pas? Le Coran me dit que. Oui. Il est. Quand Dieu me dit que lui a fait descendre le Coran, il en est le gardien. Oui. Il dit, et je regarde et je vois 1429 ans. Oui. Le Coran est resté inchangé. Oui. Pendant les 1429 ans, on a enlevé les agendiers dans les livres, on a remplacé par les fils. Oui. On a enlevé le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans les livres. Oui. On a réduit maintenant l'eau, oui, l'esprit. On a enlevé. Tu sais quoi, mon cher? Tu sais quoi? Oui. Le rat, tu connais le rat ou bien la souris? Elle a fait quoi? Depuis plus de 6 ans de la création, le rat a toujours été rat. Ça ne veut pas dire que le rat est parfait parce que Dieu la garde. Le fait que ça se reproduise, c'est toujours rat. Donc, je vais revenir sur ce que le pourquoi il a pris la terminologie. Le problème même de ce que vous êtes en train de dire, le rat et la souris, c'est-à-dire le rat est toujours rat depuis que Dieu la garde. Oui. Ça, ce sont des créatures. Mais ce sont des créatures. Oui. Le livre est c'est la parole. Oui. On vous dit, inspiré de Dieu selon vous. Oui. Est descendu par Dieu, oui, pour nous faciliter la mémorisation. C'est pour cela que moi, je te pose la question que tu ne m'as pas encore répondu depuis. Avant le Coran, Dieu a fait descendre les livres. Et vous vous dites que dans ces livres-là, donc, on a altéré. Et votre Coran dit que la parole d'Allah ne peut pas être altérée. Tu ne vois pas donc une contradiction dans vos dires. Dieu lui-même descend un verset en vous posant cette question. Que quoi? Il descend un verset aux gens du livre. Pourquoi avez-vous mélangé le vrai du faux? Est-ce qu'il a parlé de ce que les gens du livre... suis attentivement. Est-ce qu'il a parlé que les gens du livre ont mélangé le vrai? Parce que les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Tu peux me donner un verset où les juifs ont mélangé les écritures, ont changé les écritures? Quand je parle de mélanger le vrai du faux, oui, hein, je vais encore te prendre une autre petite question. Oui. Quand on se lève, oui, on dit en 2 Samuel 11, 22. Oui. Oui. Tu sais comment Dieu se déplace? Non, dis-moi. Dieu se déplace sur des chérubins. Oui. D'un lieu à un autre. Mm-hmm. Je ne sais pas. C'est comme le grand Dieu qui est dans lui tout l'univers, il ne peut pas le contenir. Comment il peut se déplacer dans un lieu à un autre, n'est-ce pas? Ah, ça va. Non, je comprends. Pour que tu comprennes, par exemple, la différence entre le vrai, oui, le vrai et le faux. Oui. Tu mets avec ce que David pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir de l'intelligence et du discernement. C'est parce qu'on ne peut pas, quand on dit que Dieu se déplace d'un point à un autre, je dis amen. Continuez. Parce qu'il faut que je comprenne avec l'Esprit Saint. Oui. Il faut que je comprenne avec la révélation. C'est ça donc mon problème. Mon problème, ce n'est pas de dire que est-ce que nous allons nous laisser, nous allons prendre, là, par exemple, si vous voulez me prouver, par exemple, que bon, comme vous êtes en train de le faire, vous dites par exemple, bon, comment Dieu peut dire que telle chose, telle chose, telle chose. Vous savez bien, pasteur, vous savez, mon frère, vous savez très bien ce qui s'est passé. Que vous soyez à saint Philippe, pendant que l'on est à saint Philippe. Non, jusque là, tu ne réponds pas à ma question, mon cher. Non, vous savez, peut-être. Non, je suis attentivement. Je veux que tu comprennes. Toutes mes questions que je pose, tu ne les comprends pas. Je veux seulement que tu me réponds comment se fait que Allah peut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas altérer son livre et que vous vous affirmez qu'on a eu à altérer. C'est ça mon problème. Dieu dit que moi, Allah, je suis le descendant. Oh là là là là là là là là. Oh là là. J'espère que ce n'est pas fini cette fois-ci le crédit. Il essaie encore de relancer. Vous n'avez pas assez de crédit pour émettre cet appel. Alors. Pour bénéficier de 2000 francs de S. Ok, je suis désolé. Alors, la suite dans la prochaine séance, nous allons continuer à travailler avec notre cher Ismaël. Ismaël, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Enfin, de toute façon, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse et tous ceux qui écoutent ceci, tous les musulmans qui écoutent ceci. Que Dieu vous bénisse.